Nous sommes le 22 novembre 2020. Bienvenue dans Balade au roller, le podcast qui vous accompagne dans vos balades à roller. C'est un podcast en fait qui va parler de roller sous beaucoup de formes et notamment des interviews. Là, pour commencer le podcast, j'ai décidé de me faire la main et de montrer en fait aux autres personnes qu'on allait interviewer dès le début, dans quel sens on voulait aller. La première personne là pour se faire la main, c'est moi qui suis interviewé. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec mon portrait de patineur. Bonne écoute. Bonjour, nous sommes le 11 novembre 2020. Je suis en compagnie de Philippe. Nous sommes en plein confinement dans son salon. Nous pratiquons tous les deux le roller et nous avons décidé de nous interviewer mutuellement. Et nous allons commencer par Philippe pour cette interview et tenter d'en savoir un peu plus au sujet de sa pratique du roller. Alors Philippe, on va commencer par des questions de présentation. Première question, comment as-tu commencé le roller? À quel âge? J'ai dû commencer le roller quand j'étais. Alors je me rappelle la première fois, c'était en CM2. On partait en classe de neige. Et donc la classe de neige, c'est quand la classe va faire du ski. Et en fait, ils nous avaient dit, ah bah avant d'aller en classe de neige, vous allez tous faire du roller. Soi-disant que c'était une bonne méthode pour apprendre à skier quand on n'avait pas de montagne à côté de chez soi. Donc moi j'avais récupéré une paire de patins à roulettes. En CM2 j'avais quoi? J'avais on va dire 9 ans, donc c'était en 80 dans les années 91 à peu Donc à près. l'époque, c'était plus des quads, c'est ça? Oui, mais moi j'avais non, j'avais des patins à roulettes. Ouais. C'est-à-dire que Des le patins que truc t'enfilais sur les chaussures. c'est tu gardes tes chaussures, t'as les sangles qui viennent au-dessus des chaussures et tu peux régler la taille du patin à ton pied. À l'époque, les rollers en ligne venaient juste de faire leur apparition. Et dans la classe, il n'y avait qu'une seule personne qui avait des rollers en ligne. Oui. Et on se disait tous, mais ça doit être vachement compliqué, parce que t'as qu'une seule ligne de roue. Donc ça doit être dur de garder son équilibre sur un pied. Voilà, ce qui est vrai, sur un pied, c'est dur de rester sur un pied sur un roller en ligne. Mais au final, pour faire du roller, enfin pour patiner, Le c'est pas. roller, c'est du mouvement. Oui, voilà. Puis on se disait, en fait, c'est comme le patinage sur glace. Donc voilà. Donc là, c'était ma première expérience. C'était voilà, j'avais 10 ans à peine, Et même pas. l'école t'avait obligé à acheter des rollers. Oui, bon, c'était les patins de ma Ouais. sœur hein, qu'on avait récupérés. Voilà, j'avais été très mauvais. Enfin, pas plus que les autres. Hein. J'ai toujours été sportif, donc j'étais peut-être même parmi les meilleurs, mais on était tous très Ah, mais mauvais. c'était pas les bons rollers à l'époque. C'était. Ouais. Voilà, ensuite j'avais toujours ces patins qui traînaient, mais j'en faisais quasiment jamais parce que je ne savais pas spécialement en faire. Je préférais le skateboard à l'époque. J'avais un skateboard. J'étais pareil, hein, j'étais très mauvais au skateboard, pardon. Et puis après, au collège, je sais plus, en cinquième à peu près, je pense. On s'y est mis avec des amis. Alors moi j'avais récupéré ces patins. C'était catastrophique parce qu'ils étaient super vieux, ils avançaient pas, les roulements étaient pourris. Et puis un jour, je sais plus pourquoi, vu qu'on en faisait pas mal, on est allé acheter avec mon père. Mon père m'a acheté une paire de rollers qui valait le coup, rollers en ligne. Voilà, et là j'ai puis on était avec les potes, on en faisait plein plein du roller. Enfin, très souvent. Donc c'est là où j'ai progressé en fait. Donc on a commencé par faire juste des sorties à roller entre amis. Ensuite, on a acheté le tremplin du grand frère de Pierre-Yves. Donc on le mettait sur la place Velpeau à Tours. On prenait nos rollers et puis on allait sur le tremplin, on sautait et puis on essayait de faire des figures. Donc c'était sympa. Oui, c'est mon chat qui est en train de faire sa litière, enfin, qui est en train de faire ses besoins dans sa litière, c'est pas grave. Et puis ensuite, je suis passé à vraiment au. Enfin, avec. J'ai demandé, je sais pas, sûrement pour Noël, des rollers agressifs, là, puis on avait. J'allais sur la rampe, là, au skatepark de Tours. Et puis voilà, puis donc je faisais du roller agressif. Enfin, j'essayais, parce que j'étais très très mauvais de toute façon. J'ai jamais réussi à faire le transfert de la rampe. J'arrivais à la descendre quand même de tout en haut, mais c'est à peu près tout ce que je faisais. J'ai jamais réussi à faire de saut à l'intérieur ni autre. Et puis voilà, puis ensuite bah, j'ai arrêté avec l'âge. Enfin, en devenant adulte, on a moins de temps pour en faire. J'essayais d'aller toujours un petit peu de temps en temps à la patinoire, une fois tous les 2-3 ans. J'aimais bien. Et puis j'ai repris il y a quoi, il y a 4-5 ans, là où je me suis racheté une paire. Et puis bah depuis, j'ai pas lâché. D'accord, et Voilà. tu l'as racheté. Enfin, maintenant, pour situer, tu as quel âge? Ah oui, bah pardon, maintenant j'ai 38 ans, donc je me suis remis vers 35 ans, voilà quoi. D'accord. Et le roller, ça t'avait servi pour la classe de neige? Non, je pense que ça m'a pas trop servi pour la classe de neige. Non, honnêtement, c'est pas tout à fait. Enfin, je sais pas trop en fait. C'est vieux comme souvenir, mais ça m'a pas desservi. Dans tous les cas, ça m'a pas desservi. Donc, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais enfin, le souci, c'est que le ski, c'est quand même beaucoup plus facile que le roller. Et alors, je pense qu'effectivement, si on sait bien faire, enfin, on apprend rapidement à faire du ski, que du roller, on met beaucoup plus de temps à savoir faire des choses en roller, je pense. Donc, je sais pas si c'est une bonne méthode d'y arriver. En tout cas, c'est pas une méthode pour arriver à skier rapidement, ça c'est sûr. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes dans le roller? Alors, qu'est-ce que j'aime dans le roller? Ben, c'est la sensation de glisse. Hein. En fait, j'ai toujours envie d'aller plus vite. Quand je marche, ben, j'ai envie de marcher plus vite. Ouais. Tu marches pas si vite que ça Non, pourtant. je sais bien. Et quand donc on se dit, ben, faudrait peut-être que je cours. Et puis en fait, le roller, ouais, ça permet d'aller plus vite qu'en marchant. Sans trop se fatiguer, mais c'est vrai que le mieux c'est quand même cette sensation de glisse où quand on passe d'une poussée sur l'autre en fait, on s'arrête pas, on est sur son inertie, on continue à avancer, c'est un régal quoi en fait, cette sensation est superbe et c'est vrai que je suis passé comme je disais là, il y a quelques années, là j'ai repris le roller. J'avais pris Ouais. des pauvres rollers d'occasion sur le Bon Coin à 20 euros. Donc c'était des routes de 70 ou 74. Et j'étais à bec 3. Et donc bah voilà, c'était bien pour reprendre. Oui. Et donc l'année d'après, je me suis dit, bah allez, je vais quand même investir un peu. Et j'ai pris donc, je suis passé des roues de 84 et du ABEC 7. Oui. Et là, la première fois que j'ai roulé avec ces rollers, je sentais que à peine je poussais, que ma poussée était très longue en fait. Et donc un sentiment de glisse, mais magnifique. Après, du coup, c'était plus pour une pratique de skatepark, c'était plus de la randonnée, c'est ça? Voilà, c'est plus pour de la randonnée après que j'en ai acheté là. Maintenant, je ne fais que de la randonnée maintenant. D'accord. Et à quelle fréquence tu patines maintenant? Alors, moi, il y a plusieurs périodes. Hein. Il y a quand il fait beau et quand il fait froid. Je n'aime pas le froid. Donc, l'hiver, je patine, mais je ne patine pas. L'hiver, c'est combien de temps l'hiver chez toi? L'hiver, c'est quand il fait pas, je sais pas trop. Là, on arrive bientôt en hiver là, donc je vais bientôt. Alors on est quoi? On est le 11 novembre et il fait encore 15 degrés dehors, donc là c'est encore jouable pour faire du roller. Mais sous les 10 degrés, je pense que ça devient compliqué pour moi, quoi. Mais tu sais, t'es pas obligé d'y aller tout nu, Oui, mais j'aime pas hein. naviguer. Ouais. Donc Et monsieur donc, fait du roller tout nu. non, je fais pas du roller tout nu, en short par contre. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, l'été, bah, c'est généralement c'est une sortie le dimanche, quasiment tous les dimanches quand je travaille pas, quand je suis disponible et que j'ai rien d'autre de prévu, mais enfin, c'est quasiment tous les dimanches, et puis des fois une sortie ou deux en semaine. Voilà en gros. Ok. Et du coup, dans ta pratique, tu as une licence FFRS? Ah non, j'ai pas de licence FFRS. Donc moi, je fais vraiment que pour mon loisir et je suis pas du tout inscrit dans un club. D'accord, donc t'es pas licencié de la fédération de roller et ça t'intéresse pas de te licencier à la fédération de roller. Ben non, je vois pas trop l'intérêt de me licencier vu que je fais jamais de. Enfin, c'est très rare que non, je fais jamais de randonnée ou pardon de course ou autre, donc ça Et t'es pas m'intéresse pas. inscrit non plus dans un club, non? Non, je suis pas du tout inscrit dans un club. C'est vraiment que du loisir pour moi. D'accord, donc je pense que on t'a bien présenté maintenant. Oui. Et donc j'aimerais savoir comment tu t'équipes pour le roller. Donc selon toi, est-ce qu'il y a une tenue vestimentaire adaptée au roller? Et si oui, laquelle? Comment tu t'habilles en gros pour rouler? Oui, Donc t'as déjà parlé du short. ouais. Alors quand j'étais plus jeune, j'avais le baggy quand même, il faut le dire. Hein. Ouais. J'étais sur le skatepark, donc j'avais le baggy, j'avais le baggy pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent pas. C'est tu prends un pantalon de personne qui est très grosse. Donc tu prends 5 ou 6 tailles au-dessus de la tienne et tu le mets. Et tu le mets avec une ceinture, et la ceinture tu la serres assez large de façon à ce que ça t'arrive au niveau de la moitié des fesses. Tu laisses remonter ton slip ou ton caleçon. C'est une vision d'horreur là. C'était la mode à l'époque. Mais je vois même pas comment tu fais pour patiner avec. C'est tellement large en fait que t'as aucun. T'es pas, c'est super ample en fait. Tellement c'est donc t'as aucun mouvement, enfin t'es très bien pour patiner. Je comprends pourquoi tu faisais pas de saut ou de choses comme ça. Mais si, je faisais des sauts, si si si si si, pas des très beaux, mais bon, j'en faisais quoi. Et voilà. Et alors que donc maintenant, donc c'est short obligatoire. Enfin moi, c'est très rare que je mette un pantalon pour patiner. Niveau des protections, je mets toujours mes protections. Et donc je mets uniquement les protège-poignets et les protège-genoux. Ok, j'allais venir. Oui. T'as mis que tu mets tes protections, Ouais. mais du coup tu mets pas de casque. Non. Moi j'estime que le casque n'est pas utile vu ma pratique du roller. Je vais pas assez vite pour que ce soit utile à mon goût. C'est rare que je tombe. Et je suis jamais tombé sur la tête un roller. J'ai eu une fois peur de me prendre une voiture qui était arrêtée d'ailleurs en descente. Et je me suis dit, effectivement là, si je me prends la voiture, potentiellement, je dis bien potentiellement, je me la prenais. Enfin, j'aurais peut-être pas eu le temps de mettre mes mains pour protéger ma tête. Et encore, je suis pas sûr. Et là, je me suis dit, le recasque aurait été bien, mais bon, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Ouais, mais il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois. Mais comme je dis, c'est en fait, c'est. On a un chat qui est en train de courir dans l'appartement. Excusez-nous. Non, en fait, c'est un petit peu. Ce serait pourquoi est-ce que je mettrais une coquille aussi pour faire du roller? Je vois pas trop. C'est tellement rare qu'on se prenne un coup entre les jambes quand on fait du roller que je vois pas l'intérêt en fait de mettre un casque. Par contre, si je faisais du roller plus en club, notamment en randonnée ou n'importe quoi, là, effectivement, je mettrais. Si j'allais plus vite, notamment, parce que je vais pas très vite hein, en roller, je mettrais sûrement. Enfin, je Quelle mettrais un vitesse à peu casque. près pour donner un ordre d'idée? C'est dommage que mon téléphone soit pas là, mais en moyenne de déplacement, je vais à 15 km/h. D'accord. Voilà. Quand je fais une randonnée de 2 heures, c'est pas de 1 heure, c'est du 15 km/h. Voilà. Tu as des fois tu roules de nuit? Ça m'arrive de rouler de nuit. C'est pas Ouais. du tout. Alors c'est notamment à la rando-roller du jeudi soir de Nantes. Ouais. Puisque maintenant j'habite Nantes. Ouais. Et bah donc comme c'est le soir et que bah des fois le soir la nuit tombe, c'est à partir de 20h45, donc forcément on arrive la nuit. Et donc là, alors j'ai un chasuble. Ah oui, quand je pars en randonnée, j'ai un chasuble aussi. Et sur le chasuble, j'ai installé un fil néon. Il est stylé d'ailleurs. Il est stylé, merci. Qui fait donc tout le contour, qui dessine le contour de du chasuble. Alors, certains disent que je ressemble au film de Walt Disney, Tron, au personnage de Tron. On pourrait dire que ça ressemble aussi au gilet éventuellement des Laser Games. Ouais. Voilà. Sans la cible. Sans la cible, effectivement. Ça fait juste le contour du chasuble. Et puis j'ai effectivement une lampe pectorale qui est devant. Et puis derrière, c'est un panneau attention en rouge là qui s'illumine et qui est pas mal pour être visible. Voilà. D'accord. Et j'ai oublié une question importante quand même. Oui. Avec quel roller tu roules maintenant? Alors donc bah maintenant Alors tu me l'as déjà dit, mais ouais, ce que je ouais. disais, j'ai attendu les soldes chez Intersport. Alors Ouais. ça a été la galère, mais en gros j'ai pris des rollers qui en solde coûtaient 35 €. Et donc moi mon critère c'était du ABEC 7 et des roues de 84 mm. Ouais. C'était juste mon critère, donc, enfin mes deux critères. Ouais. Et donc bah, ça fait le job, vu que. Et du coup, c'est des rollers avec platine amovible, c'est des... Non, Non, c'est des... Ouais. c'est les rollers de Intersport, donc la marque Ouais. Firefly, c'est la marque Donc d'Intersport. c'est des... des jouets, quoi. Des jouets si on veut, mais moi Ouais, ça me c'est convient. suffisant, ouais. Oui, parce qu'en fait moi je fais, je l'ai pas encore dit, mais la plupart des randonnées que je fais, c'est moi qui les organise. Ouais. Et le niveau des. Donc avec des personnes qui font ça en loisir. Donc j'ai aucun intérêt à avoir des rollers de compétition qui coûteraient beaucoup plus cher. Ouais. Je dirais 10 fois plus cher parce que je les ai payés que 35 € mes rollers, je le répète. C'est rare que j'aille à fond avec mes. Enfin oui, c'est très rare que je fasse des sprints avec mes rollers. Et donc j'ai pas besoin d'avoir mieux. Et niveau confort, ça me convient de toute façon. Voilà. D'accord. Quand tu roules, comment tu t'hydrates? Parce que c'est important ça. C'est Est-ce que tu es important. plus du genre à avoir la bouteille d'eau, la gourde, un camelback peut-être? Non, bah en fait avant j'avais un sac à dos et je mettais une bouteille d'eau dedans quand je partais Ouais. en randonnée. Bah maintenant j'ai le chasuble et dedans donc il y a un camelback. Voilà. Et c'est vrai que le chasuble c'est pas mal parce que j'ai la petite trousse de réparation d'urgence à l'intérieur. D'accord. J'ai mon téléphone qui est bien maintenu au niveau des pectoraux, donc ça veut dire que ça se balance pas comme quand il est dans ma poche. En plus, je peux le fermer avec. Enfin, je suis sûr qu'il va pas sauter de ma poche si je ferme ma poche. Pareil pour mes clés. Je mets quoi d'autre dans mon chasuble? Je mets un paquet de mouchoirs, très important. Ouais. Je mets ma casquette, donc le camelback on l'a dit. Éventuellement, je peux mettre une paire de chaussures, mais il est tout petit mon chasuble, donc c'est un petit peu la galère. Il dépasse, mes chaussures dépassent, mais je les attache avec un mousqueton. J'ai la clé de ma voiture, j'ai donc mon téléphone qui me permet de payer parce que je paye, si j'ai besoin de. Moi, ma carte bleue, c'est mon téléphone. Je paye en sans contact. Tu payes quand tu fais du roller? Mais ça m'arrive. Ça pourrait m'arriver. C'est-à-dire? Ça pourrait m'arriver. Non, c'est qu'après le roller, des fois, on va au flunch. Et à chaque fois, je suis obligé de. Non, en fait, ils prennent pas le sans-contact au flunch. Mais si, mais ça pourrait aussi. Des fois, on va à la buvette. On va à la buvette et là, ils prennent le sans-contact. Mais enfin, en cas de pépin, en fait, c'est ça. C'est que j'ai un moyen de paiement, quoi, grosso Oui, modo. d'accord. Et j'ai aussi le téléphone pour appeler les urgences au cas où. Et puis en ce moment, j'ai le masque parce qu'on est en période de Covid. Donc, donc il faut avoir le masque avec soi. Et donc je te parlais d'hydratation. Est-ce que tu bois des boissons particulières pour le sport ou tu carbures à l'eau ou autre? Alors moi je carbure à l'eau Ouais. pendant l'effort, c'est de l'eau. Ouais. Mais après effectivement en rentrant chez moi, le petit Pepsi Max ou Coca-Cola Zéro est de rigueur quand je rentre chez moi, c'est mon petit réconfort. Ouais. Et ça me fait penser quand j'étais parti en vacances en Espagne faire du canyoning. Et à chaque fois, à la fin de la journée de canyoning, on allait au bar, tous là, tous ceux qui avaient, tout le groupe, et on se prenait le petit. Moi, c'était mon petit Coca Zéro, quoi, et on disait c'est du bonheur en canette, quoi. Autant il y a une. C'était notre expression. Ça me faisait rappeler la pub Nutella. C'est du bonheur à tartiner ou je sais pas quoi. Nous, c'était notre bonheur en canette. Et c'est vrai que moi, c'est mon petit bonheur. D'accord. Et non, du coup, j'en déduis que quand tu pratiques le roller, tu n'as pas une alimentation stricte. T'es plutôt resto avec burger frites, ce genre de choses. J'ai aucune alimentation particulière Ouais. quand je fais du sport. Je me permets pas Ouais. de manger plus après ou moins. Ouais. Ou non, moi voilà, le roller c'est un sport comme un autre. Enfin, c'est une Ouais. activité physique, mais c'est une activité comme une autre. Et je me. Tu fais pas particulièrement Ah non, attention. je mange pas de pâte avant. Enfin, pas spécialement. Non, rien là-dessus. Donc j'étais dans les questions sur ton équipement, je crois qu'on a un peu dérivé. Ouais. Alors, je voulais savoir ton équipement, surtout notamment tes rollers, comment et à quelle régularité tu les entretiens? Moi j'aime bien démonter mes roues, enfin démonter. J'aime bien tourner mes roues très régulièrement. Ouais. Alors c'est vrai que quand on fait des randonnées, c'est généralement entre 20 et. Enfin, c'est généralement 30 km, on va dire. C'est rarement moins de 20 km. Ouais. Donc, effectivement, les roues, au bout de 20 km, de 20 km, au bout de 2-3 randonnées, il faut. Pour moi, c'est utile de tourner les roues. D'accord. Donc, au final, je démonte assez régulièrement mes rollers. J'ai plus de frein filé sur mes. Sur Sur mes. tes axes. Sur mes axes, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, faudrait que je m'en rachète. Ouais, Voilà. bah tu peux mettre aussi du vernis, laisser sécher et puis remettre Oui, les oui. axes. Il y a C'est aussi une solution. plein de trucs, mais j'ai Ouais. pas de vernis. Bah, j'ai du vernis. Ah, d'accord. J'en ai acheté exprès pour ça d'ailleurs, parce que sinon je Ah. mets pas de vernis. Ah, d'accord. Faudra que tu me le donnes la prochaine Ouais. fois. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un problème mécanique lors de l'entretien de tes rollers, un problème qui t'a gêné, quoi. Par Alors, exemple, une vis qui se casse ou quelque chose comme ça. lors de l'entretien, il me semble pas que j'ai eu un. Non, je crois que des fois les axes, enfin c'est des clés Allen qu'on utilise et des fois le pas de vis est un petit peu mort, mais non, lors de l'entretien, j'ai jamais eu de. Si, ah si, je me souviens, il y a très longtemps, donc c'était quand j'étais encore enfant. J'avais démonté les roulements et je les avais mis dans un bocal et dans le bocal on avait mis du white spirit. Du white spirit. Ouais, il me semble que c'est du white spirit ou un truc comme ça pour dégraisser les roulements, enfin pour les Ouais. nettoyer quoi. J'avais pas ouvert les roulements, je les avais juste mis là-dedans. Et pour que ça marche bien, bah, j'avais secoué le bocal. Et bah, les roulements, ils ont cassé le bocal. Donc après, j'avais du white spirit. Oui, c'était du white spirit sur mes vêtements. Et ça, bah, ça sentait bon, parce que ça sent fort le white spirit. Donc Ouais. voilà, la petite. Donc ne secouez pas vos roulements dans un bocal quelconque à cornichon. Parce que le bocal est moins fort que des roulements secoués. Surtout, il faut le copier 10 fois et ne le faites pas. D'accord, mais je savais pas donc. Ouais. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un ennui mécanique cette fois pendant ta pratique du roller? Ah bah oui, j'ai perdu 2 fois une roue. Donc Ouais. ça, Et c'est. alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu te dis? Là, c'est le moment de solitude, parce que 2 fois, c'était la roue avant en plus. Donc tu te dis mince. Et alors j'ai la première fois, j'étais en repérage et c'était une des rares fois. Donc j'étais tout seul la première fois et c'est une des rares fois. Enfin c'était la première fois que je prenais ma trousse, ma caisse à outils, enfin mes clés avec moi. Et donc là, en plus j'avais pas récupéré, j'avais pas pu récupérer l'axe de ma roue qui s'était barrée. Donc j'étais content d'avoir mes clés pour mettre une roue à l'avant et puis j'avais enlevé la roue numéro, enfin une des 2 roues du milieu, je sais plus laquelle, et après on repatine normalement quoi. Mais c'est vrai que si tu as une roue de l'extrémité avant ou arrière, c'est plus embêtant. Et en plus c'était une journée où il pleuvait, je me suis dit c'était la catastrophe quoi. Ouais. Un repérage un dimanche après-midi tout seul, une journée qui pleut, où il pleut. Et moi, c'est quand même pas mal de distance à parcourir pour revenir. Donc, enfin, c'était gros, ouais. Voilà. Et la deuxième fois? La deuxième fois, c'était en randonnée. Là, j'avais mon chasuble, j'avais tout sur moi. Bon, la roue est partie. Et je pensais pouvoir finir la descente, en fait. Et parce que j'entendais que ça se desserrait, quoi. Et puis finalement, bah, j'ai pas pu finir la descente. Et je Et sais plus si alors, je t'as suis tombé fini ou comment la pas. descente? Je crois que je suis tombé, mais que je m'étais ralenti avant, enfin j'ai senti le coup venir, enfin je n'ai pas eu de soucis particuliers, quoi. Je suis D'accord. pas. Ouais. Et t'as déjà eu un problème de frein? Alors j'ai pas de frein moi sur mes rollers. D'accord, ouais. Donc Donc ça limite les problèmes. ça limite les problèmes de frein, ouais. Ouais. Ouais. Donc t'as dit que tu repérais des randonnées. Oui. Donc ça veut dire que tu organises des randonnées. Oui. Est-ce que tu as des diplômes pour faire ça? Enfin, et quelles sont tes expériences d'enseignement, etc., si tu en as, ou d'organisation justement de randonnées, enfin, comment tu t'y prends, c'est quoi ta démarche? Alors, je fais à la fois, j'organise des randonnées et une fois par an, j'organise 4 dimanches matin d'affilée des sessions pour apprendre le roller aux personnes qui veulent apprendre le roller. Donc, j'ai eu en diplôme d'enseignement, j'ai le MAPTI Sport. C'est quoi ça? Alors, c'est un anagramme pour dire je ne sais pas trop quoi. J'ai eu ça quand j'étais dans l'armée. Ça me permettait d'encadrer des séances de sport dans l'armée. De toute façon, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, on encadrait quand même les séances, donc je ne sais pas trop à quoi ça servait, mais voilà. La chose qu'on apprend, la chose la plus importante, c'est que quand on est en extérieur, et généralement le roller, moi je le pratique en extérieur, eh bien il faut que le moniteur ait le soleil dans les yeux, Ah oui. et que les personnes qui regardent le moniteur n'aient pas le soleil dans les yeux. C'est parce que forcément, si les personnes ont le soleil dans les yeux, ils vont pas écouter ce que tu dis. Ils vont essayer de pas avoir le soleil dans les yeux. Donc ça, c'est Non, du coup, super quand tu fais des important. randonnées, tu les fais marcher en marche arrière, si jamais ils doivent avoir le soleil dans les yeux. Non, ça n'a rien à voir. Les randonnées, c'est autre chose. Voilà, c'était quoi déjà ta question? C'était si tu avais des diplômes ou des expériences d'enseignement ou d'organisation par rapport au roller. Et lesquels, du coup? Ouais, bah donc bah l'expérience je l'ai faite. Moi déjà j'ai toujours aimé le sport. Donc quand on était au collège lycée, je me souviens qu'on nous demandait de faire les échauffements, les étirements, enfin avant le sport et après le sport. C'était toujours un élève différent de faire ça à chaque session. Donc bah, moi je prenais ça à cœur déjà. Et ensuite, bah, comme vu mon métier dans l'armée, j'ai dû encadrer des séances de sport. Bah, c'est là où j'ai eu, où je me suis fait l'expérience, hein, tout simplement. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments nécessaires pour pouvoir enseigner le roller? Des choses nécessaires à l'enseignement du roller? Alors, donc moi, quand j'enseigne le roller, je fais ça donc bien sûr bénévolement, gratuitement. Ouais. Et je fais ça 4 dimanches matin de suite. Et donc je lance une sortie sur le site On va sortir. Donc s'inscrivent les personnes qui veulent s'inscrire. Et c'est écrit, les 4 séances sont déjà programmées à l'avance. Donc je sais que les personnes ne peuvent pas venir aux 4 séances, les personnes le savent aussi. Et puis il y a toujours donc il y a des personnes qui sont motivées, qui vont venir à un maximum de séances, qui vont se démener Oui. pour venir à un maximum de séances. Donc ces personnes sont très rares, on peut les compter depuis que je fais ça fait donc j'ai fait 4 années comme ça. Je peux les compter sur le doigt de la main, ces personnes-là. Je crois qu'il n'y en a que deux à ma connaissance. Et par contre, il y a plein de personnes qui. Alors, il y en a qui viennent pour voir, ça leur plaît pas, peu importe. Et puis, il y a Ouais. les autres qui te disent qu'ils sont motivés, mais qui ne se débrouillent pas pour venir à toutes les séances, ou qui pourraient venir à des séances, mais qui. Bah non, le matin, 10h30, le dimanche matin, c'est trop tôt. Ils sont sortis la veille au soir, donc. Donc voilà, donc ils ne viennent pas. Et donc c'est plus des profils débutants du coup? Alors, c'est des profils, oui, débutants ou intermédiaires, plutôt débutants, mais en fait, il ne faut pas s'investir moralement avec les personnes, parce que faut bien savoir que les personnes ne seront pas assidues. Donc toi, si tu veux leur dire, on verra ça la prochaine fois, enfin, faut pas faire de plan sur la comète en se disant, tiens, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, s'il me dit qu'il revient dans 2 semaines. On pourra essayer un truc de plus. Non, non, faut vraiment faire au jour le jour. Ouais. Et surtout, voilà, ne pas s'investir moralement parce que ça sert à rien. Les personnes ne sont pas plus motivées que ça, même si elles croient qu'elles le sont. D'accord. Et du coup, quand tu fais des cours, parce qu'on peut dire que c'est des cours en quelque Oui, sorte, tout à fait. comment tu les organises comme tu peux pas prévoir les séances suivantes? Ah oui, bah moi, ce sont des séances de 2 heures. Mon initiative, elle plaît bien. Donc, généralement, il y a des personnes qui ont un bon niveau de roller qui viennent à ces séances. Et parmi elles, il y en a des motivés pour apprendre aux autres, donc pour m'aider. Donc, une séance, ça se déroule. Donc, on est censé arriver à 10h30 roller au pied. Dans les faits, ça commence des fois à 10h30, des fois à 10h45. Enfin, Oui, c'est le fameux moi, quart d'heure. c'est le fameux quart d'heure. Oui, moi j'essaie de commencer à 10h30, 10h35 au plus tard. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, tout le monde tourne autour, tout le monde tourne autour là, un petit peu comme des chevaux sur un cirque, c'est ce qu'on dit, Un c'est ça? hippodrome, Non, pas un dans un hippodrome, manège, dans un manège, ouais. voilà. On tourne tous autour, on fait quoi, 20 mètres sur 20 mètres, hein, grosso modo. Et là, je montre des exercices, il faut s'accroupir, faut sauter, il faut rouler sur un pied, tout ça. Et il faut que les gens reproduisent ça. Alors au début, ce que je voulais, c'était que tout le monde me suive et que je fasse un parcours et que je m'amuse à monter sur un trottoir et autres. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était absolument pas possible parce que moi, quand je roule pas vite, c'est beaucoup trop rapide pour les débutants. Oui. Donc c'est pour ça que je fais tout le monde tourne autour d'un plot, enfin d'un plot, un petit tour quoi. Une fois qu'on a fait ça, j'essaye de faire. Alors je n'ai pas pu le faire cette année parce que c'est à cause de la Covid, on ne peut pas se toucher. J'essaye de faire des petits jeux en groupe. Donc je fais généralement je délimite un rectangle. Je mets toutes les personnes à l'intérieur, je leur dis de rouler, ensuite je leur dis de rouler en cherchant le contact. Donc il faut faire des petites poussées, pousser les autres avec l'épaule. Ouais. Ensuite, je leur dis de rouler en évitant le contact. Et une fois qu'on a cherché le Du coup, contact, là, c'est avec la Covid. non, je ne le Ah, faisais ok. pas pendant la Covid, Ouais. ça, j'ai sauté cette partie. Ouais. Enfin, des petits jeux comme ça où je mets un ballon et on fait une passe à 10. Enfin, en roller, c'est plus compliqué, donc je fais une passe. La première équipe qui a réussi à faire 3 passes a gagné. Enfin, je fais des petits jeux comme ça, des éperviers, des comment ça s'appelle, des courses à l'australienne ou des suicides, comme Les on veut. suicides. C'est la course à l'australienne, c'est-à-dire qu'on va d'un point A à un point B. Et le dernier arrivé n'a pas le droit de continuer. Puis après, on va du point B au point A. Donc c'est juste une ligne droite. Hein, Ah c'est oui. quoi? C'est 20 mètres. Et le dernier arrivé est éliminé. Voilà, c'est D'accord. ça le suicide. C'est juste histoire de dire. Voilà. Et ensuite, donc ça dure, je sais pas, une demi-heure aussi. Et après, je fais des ateliers. Donc j'essaie de diviser le groupe en deux, les meilleurs et les moins bons. Donc suivant le niveau de chaque groupe, ça dépend à chaque fois en fait, suivant le niveau des personnes qui est là. Et donc moi je m'occupe généralement des meilleurs, mais je pourrais m'occuper des tout débutants et d'autres personnes. Et donc quelqu'un qui a aussi de l'expérience m'aide. Donc tous les ans ça a changé. Donc c'est jamais été la même personne. Ouais. Et donc alors là il y a les ateliers, donc il y a l'atelier, donc ça change tous les ans les ateliers, mais enfin je les change très peu, mais. En gros, il y a un atelier où je fais rouler sur un pied le plus longtemps possible. Un atelier où il faut parcourir une distance, grosso modo 50 mètres, avec le minimum de poussée possible. Donc c'est la continuité directe. Il y a un atelier faut passer sous un fil. Il y a un atelier où on apprend à marcher, à patiner en arrière. On a un autre où j'apprends à se retourner en gardant sa vitesse. Il y a quoi? Il y a un atelier slalom, atelier croisé, faire des virages croisés, atelier descente pour pas avoir peur de prendre de la vitesse en descendant. Et puis là où je prends le plus de temps, c'est l'atelier freinage, qui est le plus demandé par tout le monde. Freinage, les différentes façons de freiner. Et mon préféré, par contre, c'est la fameuse marche. J'ai trouvé un endroit, c'est une marche de 30 cm, grosso Oh, modo. c'est pas de la petite marche C'est quand pas de la petite marche, c'est un gros trottoir, effectivement. même. Et donc je demande aux gens de monter sur la marche et de descendre la marche. Et pour les plus aguerris, bah, il faut essayer de descendre enfin, il faut monter en faisant un demi-tour en la montant, en faisant un saut et un demi-tour en la montant. Et bah, pour certains, ne serait-ce que de descendre la marche, c'est dur de le faire en un mouvement souple, fluide. J'ai rajouté d'autres ateliers. Il y a les descendre, monter et descendre des escaliers. Et il y a rouler sur une route qui ne roule pas. Sur du graton, comme on dit. Du bon gros graton. Du graton ou vraiment un chemin de terre, Bah, c'est un trottoir qui est pourri, quoi. Il y a Ouais. peut-être de la terre sur le trottoir au bout d'un moment, oui, je crois même. Ouais, Ouais, d'accord, ouais. ouais. Ouais. Et puis aussi descendre de 70 cm, je crois. Monter sur une marche de 70 cm et descendre cette marche. D'accord. Aussi, enfin voilà, il y a plein de petits ateliers comme ça. Et comment ça se passe si on veut pas faire l'atelier que... Alors moi, je ne force personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et si les gens veulent pas faire l'atelier, de toute façon, c'est eux qui viennent chercher un cours. S'ils veulent pas, moi, j'en ai rien à faire. Ça me fera ni chaud ni froid à la fin. Je ne m'investis pas émotionnellement, je l'ai dit, ça ne sert à D'accord. rien. Et je veux pas dire à quelqu'un fais-le, fais-le, enfin motiver quelqu'un et qu'il se blesse et que ce soit de ma faute, entre guillemets, je ne veux pas me sentir coupable. Ouais. Donc ça m'arrive un petit peu de motiver les gens quand même parce que c'est comme ça que j'ai été, que j'aime progresser, moi, enfin que j'ai, moi c'est en faisant que j'apprends et j'estime que c'est pareil pour les autres, mais plus ça va, moins je le fais, moins je m'investis. Le mieux c'est quand il y a une émulation entre les gens en fait. Ça c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa quand ils se motivent entre eux. Mais c'est vrai que moi en tant que moniteur entre guillemets, je n'aime pas motiver les gens et j'estime que c'est eux qui veulent, qui se mettent leurs limites et leurs objectifs. D'accord. Et t'as une anecdote sur tes cours du coup? Oui, alors c'était au tout début, je crois que c'est le premier ou le deuxième cours que j'ai donné. Il y avait quand même pas mal de monde, il devait y avoir ouais, quasiment 20 personnes, plus des 20 ans, personnes, ah je oui, crois, ouais, ça fait avec des enfants. un bon nombre de personnes. Ça faisait un bon nombre de personnes, ouais, avec des enfants aussi. Et j'avais essayé de retenir le prénom de certaines personnes. Et Ouais. moi, quand je connais pas, enfin quand j'étais enfant, en fait, quand je connaissais pas le prénom de quelqu'un, si c'était un garçon, il s'appelait John. Si c'était une fille, elle s'appelait Marie. Ouais. Voilà, donc là, j'avais repris ça, grosso modo. Et il y avait une fille qui s'appelait vraiment Marie cette fois-ci. Ah Alors, oui. faut savoir que Marie, à l'époque, c'était le nom le plus courant, en France. C'est le nom le Ouais. plus donné. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle Marie. John, il y en a beaucoup moins des John hein, en France. Hein, ouais. Et donc je me suis dit, ah ouais, ok, donc celle-là, elle s'appelle Marie. Et en fait, il y avait trois filles qui devaient à peu près, qui avaient un physique similaire, que j'appelais toutes les trois Marie. Et il y en a une qui était contente parce que c'était son prénom. Ah, il a Ouais. retenu mon prénom. Et il y en a une autre qui a dit, bon, bah, s'il veut m'appeler Marie, il m'appelle Marie, c'est pas grave. C'est pas le souci. Elles sont plus jamais revenues. Et ben, si, il y en a une qui est revenue, c'est Christelle que tu connais D'accord, ok. d'ailleurs. Ouais. Et qui a dit, bon, bah, c'est elle qui m'a raconté cette anecdote. En fait, moi, je me rendais pas compte que je les appelais toutes les trois Marie, quoi. Ah bah oui, c'était la même Ben, personne. comme elle disait pas non, moi, au fait, c'est un tel, je sais, bah, c'est bon, ça doit être ça, quoi. Ouais. Voilà le truc. Ok. Et pour venir sur ce que tu disais avant, tu disais que tu organisais des randonnées. Oui. Comment ça s'organise une randonnée? Comment ça se passe tes randonnées? Enfin, comment tu fais? Comment je fais? Alors, pour organiser la randonnée ou pour repérer le tracé? Bah les deux. Les deux. Alors, bah écoute, on va dire pour organiser la randonnée, moi c'est toujours par OVS que je le fais. Je mets dans. Donc OVS c'est un site, c'est le site qui veut dire on va sortir. Donc c'est un site de rencontre de vie, de personnes dans la vie réelle. Ouais. Donc c'est pas un site de rencontre amoureuse. Donc on lance l'annonce et les gens s'inscrivent s'ils ont envie de venir. Donc je détaille à chaque fois dans mes randonnées la distance à parcourir, le niveau qu'il faut pour effectuer cette Et randonnée. comment tu l'estimes ça? Alors moi, à partir de maintenant, j'ai le niveau à trois, enfin, j'ai mis trois niveaux de difficulté, donc facile, intermédiaire, difficile. Et donc je connais le parcours, enfin j'ai repéré le parcours, donc je sais si c'est plat, s'il y a des voitures ou autres. Donc c'est très rare, j'ai qu'une seule randonnée facile en fait. Tous Ouais. les autres c'est au minimum intermédiaire, voire difficile. Et j'estime en fait à partir du moment où c'est pas complètement plat que c'est du niveau intermédiaire. Voilà, grosso modo. D'accord. À peu près c'est ça. Et le difficile, bah, c'est quand il y a du dénivelé ou que la distance est très longue. Enfin, à partir de plus de 30 km. 30 km pour moi, ça, c'est encore de l'intermédiaire. Ouais. Plus que 30 km, je mets expert ou difficile, je sais plus. Enfin, voilà. Et donc pour comment s'appelle pour repérer les parcours. Alors, ça c'est ça prend du temps. Donc maintenant j'en ai pas mal, donc j'ai moins besoin de les repérer. Mais ça commence. Moi je me balade souvent, enfin je prends souvent la voiture pour mon travail. Donc quand je passe en voiture, quand en voiture je vois des pistes cyclables, je repère grosso modo où je suis. Ouais. Ensuite, je vais sur Google Maps et je mets le filtre piste cyclable. Donc toutes les pistes cyclables apparaissent en vert. Ouais. Donc c'est là où je peux faire mon parcours sur Google Maps, enfin visualiser mon parcours sur Google Maps, Ouais. grosso modo. Une fois que j'ai mon parcours sur Google Maps, je le retiens dans ma tête. Je me rends en voiture, je fais un repérage en voiture. Bien sûr, bah, comme c'est de la piste cyclable, en voiture on voit pas tout. Ouais. Donc c'est un petit peu la galère, mais bon, comme les parcours sont assez grands, j'ai pas trop le choix. Enfin voilà, je fais en voiture. Une fois que je l'ai fait en voiture, alors en même temps que je suis en voiture, j'ai toujours mon Google Maps d'à côté et je me dis par où je voulais passer déjà et puis par où je peux repasser pour arriver plus loin sur ma randonnée qui là n'est accessible que en vélo ou en roller. Et enfin bref, donc ça prend un peu de temps de faire mon repérage en voiture. Et une fois que j'ai fait le repérage en voiture, bah après je le fais en roller. Je préférerais le faire en vélo, mais j'ai pas de vélo. Donc je le fais en roller et des fois je me tape du graton et c'est la galère. Voire plus que du graton, parce que je crois qu'il y a une randonnée dans laquelle Oui. t'as un chemin avec des cailloux Ah, effectivement, qui est pas très court. Il y a un chemin où on ne peut pas rouler, on est obligé de marcher sur 150 mètres, je pense, environ. Ouais. Effectivement. Mais ouais, il n'y a vraiment, vraiment pas le choix, sinon on prend une route limitée à 80. En 80, ça ira. On va Donc pas non. dépasser. Oh, ouais, mais voilà. Donc en roller, sans trottoir, enfin c'est. C'est un Voilà. peu dangereux, C'est un peu dangereux, ouais. Même si elle n'est pas beaucoup fréquentée et que mes randonnées, je les fais. Quasiment exclusivement le dimanche pour qu'il y ait un minimum de circulation. ouais. Voilà comment je fais mes randonnées. Et tu trouves facilement des randonneurs pour te randonner? Alors non, c'est vraiment la galère. Ah oui, parce que donc je mets sur OVS et je mets aussi Ouais. sur le forum de Nantroller, donc le forum de l'association qui fait les randonnées du jeudi soir. Ouais. Et donc là, bah, mon poste est vu. Il est vu très, vraiment, beaucoup de personnes vont le voir, Ouais. mais quasiment personne ne vient du forum Nantroller. C'est vraiment très très rare que. Ah, tu l'es peut-être trop tôt, tes randonnées. Peut-être, quelqu'un m'a dit que il fallait pas commencer avant 15 h parce que sur. Un entrôleur, ils dorment tous jusqu'à 15 h, ils font la grasse mat. Donc c'est peut-être ça. Mais non, c'est très variable. Alors par contre, l'astuce que j'ai trouvée, c'est que je fais à la fois pour les rollers et au vélo. Et les vélos aussi, c'est ouvert au vélo. D'accord, et Ouais. ça se mélange bien, roller et vélo, en randonnée? Et donc, bah, moi, je trouve que ça se mélange très bien, roller et vélo. Ouais, ça se mélange carrément bien. En plus, quand on arrive sur du graton, ben moi je me permets de me faire aider par un vélo. Donc Tu fais remorquer quoi. je me fais. Alors, non, des fois je me fais remorquer, des fois je pousse en même temps que le vélo. S'il a une Mais là, selle, c'est plus du graton là dont tu parles. de quoi c'est plus du graton dont je parle? C'est plus les chemins un peu. Oui, bah Ouais. c'est. Enfin, sinon, c'est quand sur du graton, ouais, quand c'est embêtant de pousser, de trop Ouais. pousser, et que j'ai pas envie de trop pousser, bah, je D'accord. chope un porte-selle, un porte-bagage de vélo et je me fais tirer, mais en même temps, je pousse aussi. Donc les deux, en fait, c'est gagnant-gagnant, quoi. On fait tous les deux moins d'efforts, on va tous les deux aussi vite. D'accord, ouais. Non, ça se mélange bien. Et alors, par contre. Il y a toujours les fameux vélos électriques. Ouais. Et on était sur la voie verte, donc une petite anecdote. Voie verte de Carquefou, qui va de Carquefou, donc juste à côté de Nantes, jusqu'à Saint-Marlajoie. Donc il y a une voie verte qui fait 40 km. Et donc c'est super, c'est une superbe voix toute lisse, vraiment nickel pour le roller. Ouais, quelques passages qui sont pas top non Ouais, plus, faut enfin. pas non plus. Sur 40 km, c'est quand Oui, même un il y des a quand même des meilleurs. passages qui sont bien sympas. Il y a quand même la plupart des passages, c'est super lisse. Et donc il y a des personnes qui sont venues au rendez-vous en vélo, forcément, parce que c'est plus facile de venir en vélo que de mettre le vélo dans sa voiture, ça je le Ouais. conçois. Et donc il y a une fille qui est venue en vélo électrique et qui s'est tapé 10 km de vélo électrique avant. Et donc elle avait mis l'assistance en route, donc elle est arrivée fraîche comme une rose sur le truc. Ouais. Par contre, elle savait qu'il fallait qu'elle économise sa batterie, parce que Ouais. pour le retour, sachant qu'en Nantes, il y a du dénivelé un petit peu, enfin, en tout cas là où elle arrive, où elle habite, il y a du dénivelé, donc elle s'est mise à économiser sa batterie. Et donc là, elle galérait pour avancer, parce qu'un vélo électrique, c'est très lourd, et quand on ne met pas la batterie, ben ça, Faut pédaler quoi. il faut pédaler, quoi. Ouais. Et donc elle n'était pas contente parce que on allait trop vite, les rollers allaient trop vite, trop vite pour elle. Ah oui. Et c'est vrai qu'il y a des vélos qui se disent, oh bah, je peux venir, ça va pas être trop compliqué. Et Ouais. suivant les niveaux de roller, alors que quand on est que entre bons patineurs, les vélos sont étonnés qu'on aille aussi vite en roller. Ils s'attendent vraiment pas à ce que des patineurs, enfin, qui savent faire un peu comme nous, aillent aussi vite et aussi longtemps aussi. Ils sont impressionnés parce qu'on fait 30 km, ils sont impressionnés qu'on garde la cadence aussi bien à l'aller qu'au retour. Ah oui. Ouais. Vrai que moi, c'est un de mes petits plaisirs des fois de doubler un vélo Ouais. qui va pas forcément très vite, mais bon, il y a les cyclistes qui vont plus ou moins vite, les rollers, c'est la même chose, et donc du coup, bah, parfois on peut doubler des vélos Bah et oui, c'est c'est plutôt ça. sympa. Ouais, c'est clair. T'as une autre anecdote à raconter sur les randonnées éventuellement? Je sais pas, j'ai mis une note ou pas? Alors oui, maintenant que je relis mes notes. ouais, c'était sur la voie verte de Carquefou. Donc la voie verte, donc comme je disais, c'est 40 km de ligne, enfin pas de ligne droite, mais en gros c'est quand je fais une randonnée voie verte, on commence à Carquefou, on va direction Saint-Mars-la-Jaille et on fait demi-tour quand on a envie de faire demi-tour, Ouais. mais il faut penser au retour, c'est-à-dire que si on fait Ouais. 10 km à l'aller, il faut faire 10 km au retour. Oui. Et donc là, c'était une des premières fois que je faisais cette voie verte avec, bien évidemment, parce que celle-là, c'est une randonnée débutante, avec des personnes qui vont pas très vite en roller et qui sont pas à l'aise et qui en font pas régulièrement. Ouais. C'était une des premières de l'année. Ouais. Donc pour beaucoup de personnes, c'était la première fois qu'ils rechaussaient leur roller depuis la trêve hivernale, parce que je ne suis pas le seul à faire une trêve hivernale. Beaucoup de personnes font comme moi. Et moi j'avais prévu le coup, donc moi j'avais prévu le coup, j'avais dit, vous faites demi-tour quand vous voulez, il faut savoir que moi mon véhicule est garé à 20 km, donc moi je ferai, une fois que j'arrive à mon véhicule, je fais pas demi-tour, je rentre en véhicule. Par contre j'ai Oui. dit aux gens, vous rentrez quand vous voulez. Les gens avaient du, enfin j'avais du mal à exprimer cette idée en fait que j'avais garé mon véhicule à 20 km et qu'ils auraient pu le faire eux aussi. Donc les gens n'avaient pas très bien compris ça quand j'avais lancé la sortie. Enfin, en fait, à chaque fois que je lance une sortie, j'écris en détail tout ce qu'il faut faire. Ouais. Mais les gens ne lisent pas ce qu'on écrit. C'est bien connu, je le sais. Donc je Si savais moi que... je lis. Oui. Donc j'ai essayé d'expliquer ça en début de randonnée. Et puis donc bon, on commence la randonnée. Et au bout de bah, tous les 2-3 km, enfin, parce que dans la voie verte, on s'arrête quasiment tous les kilomètres. À chaque barrière, des À fois. chaque barrière, c'est ça, il y a des barrières à peu près tous les kilomètres, on va dire en moyenne pour que les gens comprennent. On faisait une pause et à chaque fois je disais, si vous voulez faire demi-tour maintenant, n'ayez pas honte, c'est pas grave, de toute façon c'est vous qui vous choisissez ce que vous voulez, quoi. Et les gens étaient tous motivés et il y en avait que une qui me faisait peur, et que j'avais peur qu'elle puisse pas rentrer toute seule. Et voilà. Et puis On continue, puis au bout de 5 km, là j'insiste vraiment pour qu'il y ait des personnes qui commencent à faire demi-tour, parce que ça fait 10 km. Pour une première randonnée en roller, faire 10 km, je trouve que c'est bien, c'est tout à fait convenable. Oui, mais plus après, ça peut devenir Et compliqué. après, ça peut devenir compliqué, parce que chaque kilomètre que tu fais, il faut le faire au retour. Donc tu passes de 10 km à 12 km, puis à 14 et tout ça. Et puis il y a une fille qui me fait: ah non, mais même moi, je me sens de faire le... Parce qu'il y avait dans ma voiture, il y avait de la place pour 5 personnes Ouais. seulement, et on avait déjà 3 places de prise. Donc il restait plus que 2 personnes qui avaient le droit de faire d'aller Sur combien de personnes? et alors je sais plus combien on était de rollers, mais les vélos forcément ils pouvaient pas rentrer avec nous. Mais je crois que on était 6 ou 7 personnes à roller. Ah oui. Tu t'en souviens, toi? Non. Non, mais ouais, voilà. Je crois qu'on était 6 ou 7, donc on savait que tout le monde ne pourrait pas rentrer en voiture avec nous. Et puis il y en avait une qui nous fait: non, mais moi, même si je fais 20 km, là je me sens à l'aise. On était au 10e kilomètre, je me sens à l'aise. Je pense que je peux faire 20 km aller, 20 km retour. Moi, dans ma tête, je fais: ok, elle en a pas fait depuis plus de 6 mois. À mon avis, elle les fera jamais. Enfin, elle les fera peut-être, mais elle sera lessivée à la fin. Ouais. Enfin bon, j'ai gardé ça pour moi. Je lui ai pas dit, voilà. Mais j'ai quand même fortement insisté pour que des personnes partent. Et au final, je crois qu'au bout de, on avait fait 5 km, et au final, je crois que quasiment tout le monde a fait demi-tour aux 5 km, même les vélos. Ils sont rentrés tranquillement, les vélos avec les rollers. Et nous, on a pu continuer jusqu'à nos 20 km en petit groupe. Et ça s'est bien fini. Je suis en train de me poser la question. La personne qui a dit que je pouvais faire qu'elle pouvait faire 40 km, c'était moi ou c'était quelqu'un Non, d'autre? c'était quelqu'un Ok. d'autre. Non, mais toi, tu aurais pu les faire, il n'y a pas de Oui, problème. Non, parce que moi c'est... j'avais dit que je pouvais les Et on faire. avait fait des sessions avant de Oui. 20 km, 30 km avant les semaines précédentes. Non, c'était pas toi, Céline. Non, Parce que non. je me souviens pas de la personne qui a dit ça. Ah ben si, c'était Réjeanne, je m'en souviens très bien. Moi, ça m'a fait peur, Ah parce oui. que je me souviens aussi de quelqu'un. On était parti à la Chapelle-sur-Erdre, et quand on va à la Chapelle-sur-Erdre, non, pardon, voilà, je confonds toujours. On allait à la Sucé-sur-Erdre. Ouais. Donc quand on va à Sucé-sur-Erdre, on fait l'aller, on s'arrête à Sucé-sur-Erdre, on mange à Sucé-sur-Erdre, et on fait le retour l'après-midi. Donc c'est deux fois 15 km, 15 km aller, 15 km retour. Ouais. Donc ce qui fait 30 km au total dans la journée, ce qui fait pas mal quand même. Et par contre, il y a de quoi. Enfin, on a un repas, donc on a une grosse pause le midi. Donc même pour les personnes les intermédiaires, on va dire, ça se fait bien. Ouais. Et donc là, il y a quelqu'un qui a dit: je sais pas trop ce que je vais faire, ça fait longtemps que j'ai pas fait de roller. Puis donc c'était une personne de 50 ans environ, grosso Ouais. modo. Et je vois donc à l'aller, ça se passe, je vois qu'il va pas très vite. Enfin que voilà, il va à son rythme, il va pas super vite, il va pas trop lentement non plus. Ouais. Je vois que par contre, dès qu'il y a la petite côte, bon, c'est assez plat, mais il y a quand même deux trois faux plats, on va dire, pour aller à Sucé-sur-Erdre. Et je voyais que quand ça montait un petit peu, il en chiait, hein, voilà. Ouais. C'est là où Voilà. il allait très lentement. Le chat qui se rappelle Ouais. Donc on arrive à Sucé-sur-Erdre, on mange, et puis on commence par faire le retour. Et au milieu du retour, là, on arrive sur une côte, et là il fait: non mais là j'en peux plus là. Et on a tous cru qu'il allait nous faire une attaque sur le, comment s'appelle, enfin une attaque cardiaque, quoi. Et Ah oui. il s'est arrêté là, et il est rentré en stop. Et il m'a envoyé un message après pour me dire qu'il était bien rentré, c'est ce que j'avais demandé, et heureusement. T'as pas eu peur de le laisser tout seul? Ben, j'ai eu un petit peu peur le laisser. Ouais. Enfin, non, parce que là, il m'a dit: non, je fais du stop, c'est bon, j'arrête. Donc Mmh. là, non, je Ouais. fais: c'est bon, je sais que c'est très passant. Pardon. Donc, non, il n'y a pas de. Ok. J'ai pas eu de soucis là-dessus, non. Ouais. C'est tout pour mes anecdotes de randonnée, pour le moment en tout cas. D'accord, bon, on va passer à la suite des questions. Ouais. Au niveau des compétitions, parce que le roller, des fois, il y a des compétitions. Donc, tu m'as dit que tu t'étais en loisir. Oui. Donc, t'as jamais participé à des compétitions, c'est ça? T'en as déjà fait ou pas? Non, j'ai jamais fait de Ouais. compétition, c'est vraiment ça me. Moi c'est vraiment que du loisir, que de la balade, enfin même de la randonnée quand même, parce que Ouais. ça commence à 30-40 km, c'est plus de la balade, c'est de la randonnée. Pour moi, en tout Ouais. cas. Ouais, donc non, la compétition, Ouais. ça me passionne C'est, t'es pas. même pas tenté, par exemple, par les mythiques 24 heures du Mans. Essayer un jour d'y aller, non, même en loisir, de toute manière. Enfin, la plupart des gens qui y vont, c'est en loisir. Ouais, mais non, parce que je serais blasé de pas avoir l'équipement qui va bien, enfin, à savoir des rollers qui roulent, enfin, avec des grandes roues, quoi, grosso modo. Moi, ça Bah, me. t'as pas besoin d'avoir des grandes roues pour y aller, Non, hein. mais oui, mais ça, non, ça vraiment, c'est pas le truc qui me. Alors, autant y aller pour avec une équipe, mais sans rouler moi, ça me convient très bien. Voir l'ambiance, Ouais. ça m'irait très bien. Mais moi, rouler comme ça, enfin, moi, je roule pour le plaisir, en fait. Et rouler pendant 24 heures, alors je sais que c'est en équipe, mais me réveiller en pleine nuit pour aller rouler, c'est pas du tout mon truc en fait. C'est pas le truc. Alors s'il faut éventuellement compléter une équipe, je voudrais bien le faire, mais qu'on n'attende pas de moi que je fasse une performance, parce que D'accord. ça m'intéresserait pas. Par contre, effectivement, je serais frustré de ne pas faire une performance. En même temps, parce que je suis compétiteur dans l'âme. Mais pour le roller, j'avoue que là, j'ai pas l'esprit de compétition enfin, j'ai pas envie de me mettre à la compétition. Je fais déjà du badminton et ça me convient très bien, en fait. D'accord. Donc je peux pas te proposer de faire le prochain marathon de Paris avec moi, par exemple. Ah non, là c'est pareil. Moi, je préfère rouler pour le plaisir. Alors, faire le marathon, ça voudrait dire qu'il faut que je paye un truc, que je fasse un certificat médical. Que je me déplace jusqu'à Paris, enfin ça fait un truc de logistique, enfin c'est vraiment pas un truc qui m'attire. Mais je suis content que ça existe et que ça fasse vivre le roller en France. J'irai toute seule. Oui. Est-ce que tu as déjà assisté à des compétitions en tant que spectateur, du coup? Ben non, j'ai pas. Il me semble pas que j'ai assisté. Alors j'ai assisté à un gala de patinage artistique une fois. Ah ouais. Oui, et tu étais là. Alors c'est comment on dit? C'est du patinage artistique, du Oui. patin roulette artistique, comme on Ouais, dit. c'était du patin à roulettes, oui, Ouais. ouais. Et il y avait, par contre, dedans, il y avait une seule fille qui était pas en patin roulette, mais Ah qui avait ouais. des Ah ça rollers en ligne alors. artistique. Ouais. D'accord. C'était toi, Céline. Ah oui. Mais donc ouais, c'était très sympa ce gala. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un niveau aussi élevé à Nantes en fait, en patinage artistique. Ouais. Ah ben à Nantes, pour moi, c'est le pays du roller, quoi. Oui, mais alors pas en ligne manifestement. Enfin, Pour le patinage artistique, ouais. ouais, bah c'est pas du tout mon domaine moi, le patinage artistique, donc je ne le savais pas et j'ai découvert très agréablement d'ailleurs. D'accord, ouais. Un chat. Oui, on a un chat qui vient nous voir. Est-ce que tu as des objectifs que tu t'es fixés? Alors, du coup, pas en compétition, mais pour le roller, est-ce que t'as des objectifs Alors, non, j'ai pas vraiment d'objectif, mais c'est vrai que bon, on était parti en vacances. On a fait du roller, on a fait notamment la voie verte Moron, Quest, non, Quest, Ploermel, Moron. C'est bien ça qu'on a fait? Oui, c'est la voie verte de Moron-Questembert. Oui. On a fait la partie Ploermel jusqu'à Moron. Ouais. Voilà. Donc, ça m'a bien plu. Donc, découvrir d'autres voies vertes, c'est un bon objectif, je pense. Et puis, ouais. Ça, c'est clair. D'accord. Peut-être aller dans les Landes. On m'a dit qu'il y avait une super voie verte là-bas. Donc, peut-être la faire un jour. Et ça te plairait par exemple de participer à la Gallo Roller qui a lieu sur la voie verte notamment de Moron-Questembert? Bon, sans plus, en fait. C'est un peu pareil. Ouais. Mais il n'y a pas de compétition là-dedans. Enfin, Non, c'est... Non. c'est un événement, mais c'est très très sympa. Bah, pourquoi pas? Il y a des stands tous les 10 km, on mange tous les 10 km, c'est important. Ouais, oui, bah pourquoi pas? Non, si ça peut être sympa, s'il n'y a Puis il y pas a de... l'ambiance, il y a les gens qui sont sympas, avec qui on peut discuter, etc. Ouais, non, mais si, je crois que je t'avais dit oui d'ailleurs une fois, donc Ah oui, mince, j'ai pas retenu. C'est le genre de choses qu'il faut que je Donc retienne. oui, si, ça, pourquoi pas, ouais, s'il n'y a pas de compète. Ouais. Et de même qu'on avait fait le tour de le périphérique de Cholet. C'est super Ah sympa, oui, ça le c'est tour de Cholet, ouais, le oui. tour de Cholet c'est fin novembre, début décembre. Hein, c'est le dimanche matin. Je crois que c'est le premier dimanche de décembre. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Alors le souci c'est qu'il fait froid et des fois bah, il fait humide. Mais le périph' est fermé à la circulation automobile. Et donc d'un côté, il y a sur l'extérieur du périph', c'est les personnes à pied qui circulent. Sur l'intérieur, à pied, c'est Non. l'intérieur. Et sur l'intérieur, ou bon voilà, Ouais. bref. Et sur l'autre côté, intérieur ou extérieur, ce sont les vélos. Bon, nous, rollers, bon, on s'était mis avec les vélos, nous, mais Oui, on avait vu des rollers en face avec en les face, piétons, mais ouais. ils devaient être gênés. De toute façon, on est tellement peu nombreux à faire du roller Ouais. qu'ils vont pas s'embêter. Enfin voilà, on nous a pas fait de réflexion parce qu'on était du côté des vélos, dans Puis en tous les plus, cas. on roule comme des vélos à peu près, donc Les voilà. vélos, je trouve qu'on n'en a pas doublé beaucoup. Ouais, on a quand même doublé quelques-uns. Après, Ouais, ça dépend des rythmes. on a Hein. doublé On les n'est pas des enfants et les rollers vieux, rapides non quoi. plus, quoi. Ouais. Puis en plus, il pleuvait pour notre défense. Ouais, voilà, on va dire ça. Ouais. Moi, je trouve que là, c'était pas glissant, sauf à deux, trois endroits, mais Je pour toi, glissais dans les oui. montées, là, c'était pas possible. Ouais, que moi, ça allait. Donc, j'ai pas, pour ta défense, mais pas pour la mienne. Ouais. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est un EDP? Non. C'est un engin de déplacement personnel. Oui. Donc tu as les EDP et les EDP motorisés, donc Encore un bel acronyme, oui. voilà, les nouveaux engins de déplacement qu'on peut voir, les trucs bizarroïdes, autres que dont les trottinettes électriques, par Ouais, exemple. les Segway, Ouais, voilà. les trucs comme Donc le ça. roller, c'est un. Un engin de déplacement personnel. Voilà, ça peut être utilisé en loisir dans les skateparks, etc. Mais ça peut aussi être un EDP. Oui. Et donc je voulais te poser des questions à ce sujet. Pour toi, quelle est la place du roller dans le code de la route ou au niveau du déplacement, notamment? Alors, la place du roller au niveau du déplacement, pour moi, c'est du loisir. Ouais. En fait, on est très peu nombreux à pratiquer le roller, Ouais. comparé au nombre de pratiquants de vélo ou de trottinette. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de vrai texte de loi sur les rollers. J'estime que... Ça ne sert à rien de s'embêter à en faire parce qu'on n'est vraiment pas assez nombreux. Maintenant, où est-ce qu'on doit rouler? Est-ce qu'on Alors, pour doit... préciser, en fait, Oui. il y a, dans, enfin, il y a, la, d'après la loi, Oui. les rollers sont considérés comme des piétons. Oui. C'est-à-dire qu'ils doivent circuler sur le trottoir moins de 6 km/h. Ouais. Ce qui n'est pas du tout adapté. Parce qu'on circule comme des vélos, a priori, Oui, par rapport à une et... vitesse normale. Bah oui, c'est ça. Ouais. On est sûrement, enfin, on est peut-être moins rapide Ouais. que des vélos, mais... Oui. Mais en tout cas, enfin, on fait plus que 6 km heure, ça c'est sûr. Mais après, il y a toujours les personnes qui savent pas faire de roller, Voilà, qui oui, eux, ça bah, c'est sûr. Le ils vont rester trottoir sur est le adapté dans trottoir. ce cas-là, Ouais. oui. Par contre, effectivement, dès qu'on veut se déplacer et qu'on sait rouler, rouler sur un trottoir, même s'il n'y a pas grand monde, enfin même si on fait ça ou qu'il n'y a personne, c'est pas possible parce qu'il faut s'arrêter pour le croisement de la route. Et relancer, enfin c'est affreux quoi. En plus, les trottoirs sont pas toujours bien Ils adaptés. sont pas adaptés, non, ils sont pas assez larges, il y a plein de fissures partout. Puis moi, ce que j'adore à Nantes surtout, c'est les passages cloutés. Enfin, il n'y en a pas qu'à Nantes, mais les beaux passages cloutés, le rectangle blanc avec les Oui, petits bah, demi-dômes là, oui, c'est vraiment mais ça affreux c'est ça. pour Oui, c'est pour les les piétons personnes. quoi et les personnes malvoyantes. Oui, c'est ça, Ouais. ouais. Mais le trottoir comporte souvent beaucoup trop de dangers. Ouais. Alors, en fait, moi, Ouais. au début, je pensais que que le roller, ben, en fait, on avait plus notre place soit sur les pistes cyclables, mais Ouais. vraiment pas les bandes, hein, je parle des pistes cyclables où il n'y a pas Ouais. de voiture. Ouais. Donc ça, je continue à le penser, que on a tout à fait Oui, notre place dessus. ouais. Et au début, donc, quand y a une route et un trottoir en ville, je pensais qu'il valait mieux qu'on aille sur le trottoir. Ouais. Et je me rends compte que c'est vraiment impossible de s'y tenir, qu'on n'avance pas. Et que j'estime que si on roule assez vite, et maintenant je roule assez vite avec mes rollers, Ouais. J'ai tout à fait ma place sur une bande cyclable, ou voire même sur la route s'il n'y a pas de bande cyclable, dans la mesure où je fais pas ça. Enfin, je reste anodin par rapport au vélo. Alors, l'inconvénient du roller, c'est qu'on prend beaucoup de place en largeur. Ouais, avec la poussée, Avec la etc. poussée, ouais. Et c'est vrai que ça, on prend plus de place qu'un vélo. Quand on est allé à Tours la dernière fois, on a vu que c'était impossible de mettre des Des rollers sur des bandes bandes cyclables qui étaient cyclables, minuscules, ouais. ouais, Ouais, minuscules, ouais. même pas à mettre de large, ouais. Mais donc ouais, enfin, tant qu'on gêne pas trop la circulation, je dis, ça sert à rien de légiférer et qu'on aille sur la route, et tant que ça dérange pas grand monde, qu'on a un comportement qui n'est pas à risque, bah, que ça continue, voilà. Mais par contre, alors après, oui, moi je suis, j'adorerais qu'il y ait des voies vertes partout, des pistes cyclables partout, mais et pardon, que les pistes cyclables soit vraiment goudronné et lisse et qu'il n'y ait Ouais. pas de graton et que ce soit pas des chemins de terre, ça j'adorerais, c'est sûr et Ouais. certain, c'est mon souhait le plus cher, enfin c'est mon souhait, j'aimerais bien, mais je sais que ça a un coût Ouais. et j'estime que on est trop peu, ça, au niveau roller, on est trop peu à s'en servir et donc ça ne vaut pas le coût de l'investissement, enfin ça ne vaut Ouais. pas le coût à l'État d'investir pour des personnes comme moi qui adoreraient que ce soit comme ça, mais voilà. Donc j'ai le cul entre deux chaises, le cœur dit il faut faire, mais la raison dit bah, il vaut peut-être mieux que mes impôts servent pour autre chose. Ok. Et est-ce que tu as déjà effectué des trajets à roller, autre que en loisir en fait pour les randonnées? Je me souviens qu'une fois j'étais allé à une boom. À l'époque, j'étais jeune, hein. Ouais. Je devais avoir 18 ans à peu près. Et ouais, j'y étais allé en roller et la nuit. Mais ouais, c'est très rare. Non, en fait, le souci, c'est que dès que tu fais du roller, tu transpires. Donc, Ouais. y a vraiment. Enfin, voilà, il faut arriver à un endroit où le fait de transpirer ne soit pas un handicap. Oui. C'est vrai que du coup, j'avais déjà essayé d'aller au travail en roller à une époque où il y avait le tramway qui était en travaux pendant une semaine. Et j'avais le choix entre des bus qui allaient être bondés et qui allaient être pris dans les embouteillages et que ça allait me mettre 1 heure pour rentrer au lieu d'un quart d'heure. Et le roller qui mettait autant de temps que le tramway. Sauf que bon, faut le temps de chausser et déchausser, c'est là où je perdais du temps. Ah Et oui, c'est vrai que du ouais. coup, j'avais fait ça pendant une semaine d'aller au travail en roller. Et bah, ça me prenait autant de temps que le tramway en fait, parce que le temps d'attendre le tramway, c'était le temps de chausser. Enfin, voilà quoi. Mais par contre, j'avais le problème de la transpiration. Et c'est vrai que du coup, j'étais obligée de me changer à chaque fois. Il n'y avait même pas de douche au travail, donc du coup, bah, je me douchais pas, je me changeais quoi, et j'espérais que mes collègues n'avaient pas senti l'odeur. Ouais, non, mais Ouais. c'est vrai que c'est le souci. Puis en plus, le roller, dès qu'il pleut, bah, c'est glissant et suivant par où on passe, ça peut être dangereux. Ouais. Enfin, c'est vraiment très désagréable de rouler sous la pluie et ça peut être dangereux, ouais, suivant où on passe. Donc c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas un bon moyen de transport. C'est pas une, ça remplacera pas le vélo pour moi. Hein, ça Ouais, après c'est sûr. c'est pratique, tu n'as pas la question de où est-ce que je range mes rollers. Oui. Tu n'as pas à les attacher quelque part, hein. Tu peux les emporter avec toi. Oui, mais il faut avoir ses chaussures avec Oui, après. il Et faut donc avoir faut ses un sac à chaussures. dos quand même. Enfin, Oui. Alors on arrive à un gros tableau là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais t'interroger sur savoir si tu as l'esprit ouvert, pas sur le roller ou autre. Oui. Enfin, ta culture roller en quelque sorte. D'accord. Ouais. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu avant. Enfin, je l'ai lu très rapidement. J'ai même pas lu toutes les cases du tableau. Ouais. Donc, je t'écoute. Alors, pour l'instant, on n'est pas sur le tableau. J'ai d'abord une question. Oui. Très simple. Est-ce que tu as des idoles de roller, de patinage, des personnes que tu admires, tu te dis, ah, j'aimerais être comme eux? Ben moi c'est oui c'est Ty Chris hein. Voilà, à l'époque je faisais donc du roller agressif là et je le voyais dans Roller Mag champion du monde tout ça je le voyais en photo Ouais. Et t'avais envie de te jeter depuis la tour Eiffel, c'est ça? ah non ça, il n'avait pas encore fait son truc de la tour Ah, Eiffel d'accord, ah ouais. ouais et alors donc ouais c'était mon idole et alors c'est marrant ensuite donc j'avais complètement arrêté le roller. Et puis, donc j'étais adulte, hein, j'avais dans les 30 ans, je crois. Et j'avais vu qu'il y avait démonstration de motocross, donc de tremplin, tout ça. Ouais. C'était un événement à côté de Toulon, je ne sais plus où c'était. Et donc on y était allé. Et donc on a vu du motocross. Et en plus, moi je ne savais pas, mais il y avait du roller. Et il y Ouais. avait Ty Chris. Ouais. Et donc j'étais trop content, je savais pas qu'il faisait encore du roller parce que moi j'avais 30 ans, plus de 30 ans, lui il est plus âgé que moi donc je pensais pas qu'il continue à faire du roller. Ouais. Et Et il n'avait pas encore sauté depuis la tour Eiffel il sur n'avait son pas encore tremplin, sauté, non, non, etc. Ouais. non, non, non. Et donc je l'ai vu un peu plus loin et il discutait avec tout le monde parce qu'il est super sympa, enfin comme on voit partout ce mec adorable. Et j'ai pas eu le courage ou j'ai eu peur de lui demander de faire un selfie avec lui. En plus Ouais. j'avais un téléphone portable à l'époque qui prenait. Ouais j'avais déjà un smartphone à l'époque donc j'avais enfin où j'avais pris mon téléphone, moi mon appareil photo à l'époque pour faire des photos des motocross. Et Ouais. j'ai pas eu le courage de demander à faire un selfie avec lui, et je crois que c'est ce que je regrette. Ouais. Et puis, alors en plus, maintenant, Ty Chris, il est chef, enfin, il est patron d'une start-up on-off, là, enfin, dans les nouvelles technologies. Et moi, je suis quelqu'un qui écoute, qui adore les nouvelles technologies. Et donc je le réentends encore maintenant dans l'émission Tech & Co là sur BFM Business tous les soirs. Donc c'est un régal de l'entendre, d'avoir son interview, enfin son analyse sur le monde de la tech de temps en temps. Et donc c'est marrant parce que ce mec-là, donc il fait encore un truc que j'aime bien, quoi. Enfin, il est encore dans les nouvelles technologies et voilà. Et si, je l'avais vu aussi, il avait fait Pékin Express, c'était là où je l'avais redécouvert. Ah oui. Et quand il avait fait Pékin Express, ouais, il avait fait une autre émission de réalité avant. Je regardais pas la télé à l'époque. Je l'ai redécouvert dans Pékin Express et j'avais trouvé ça, enfin, j'avais trouvé super encore. Et donc voilà, Ty Chris qui est mon idole. Donc si la prochaine fois que je le vois, je lui demande une photo avec lui et. Ouais, parce que pour l'instant, il n'y a pas de photo de Ty Chris dans ton appartement. Non, non, non. Ah, ben quand j'étais jeune, j'avais une photo de lui. Il était au-dessus d'une rampe. Enfin, il était en train de faire un saut au-dessus d'une rampe et on le voyait. On voit que lui, en fait, c'était sa marque de fabrique, c'est que lui, quand il sautait au-dessus, enfin. Quand il décollait de la rampe, il décollait beaucoup plus haut que tout le monde en fait. Et j'avais une photo qu'il mettait en exergue ce truc où il était vraiment vachement haut. Ah oui. Voilà. Et puis c'est les McTwist aussi, c'est sa fameuse figure. Je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais il les passe comme des petits pains. C'est Et quoi les McTwists? le McTwist, c'est quand tu arrives, c'est en fait tu fais un saut périlleux, on va dire, et en même temps tu fais un demi-tour. Donc c'est-à-dire que D'accord. tu arrives en avant, Ouais. tu fais un saut périlleux, donc 360 degrés, donc tu vas te mettre la tête sur La le tête en sol, bas, la tête en bas. et t'arrives en marche arrière au lieu Et d'arriver en marche avant. alors tu arrives en marche avant et tu repars en marche arrière. Ouais. Ou tu repars en marche avant, enfin, suivant, parce que Oui, sur d'accord. une rampe, dans tous les cas, tu fais un aller, un retour, enfin, tu Oui. fais ta figure en haut. Ah oui, d'accord. Dans tous les cas, tu arrives en montant, t'arrives en redescendant. Enfin, voilà. Et donc, effectivement, si tu. Voilà. Et ça, il le fait dans les deux sens, en avant comme en arrière. D'accord. Voilà. Donc, c'est très beau à voir. On ne comprend pas, en fait, quand on voit le drift, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est un petit peu comme tu dis, mais il a fait combien de tours quand tu vois le patinage artistique? Il a fait 2 tours, 3 tours, 4 tours, tu sais pas. Ben là, c'est pareil. Ouais, et au bout d'un moment, t'arrives plus à compter, quoi. Ouais. Ben là, le McTwist, tu fais. Attends, il a fait un saut périlleux, mais en même temps, il a tourné, je ne comprends pas, et voilà. Ok. Ouais. Ah, mon tableau t'intrigue, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais. Donc j'ai fait un petit tableau, mais on va pas compléter le tableau, on va. C'est un tableau. En fait, tu as chaque discipline. Et je vais te poser. Enfin, je vais te demander. Pour connaître un peu ton ouverture d'esprit sur toutes les disciplines du roller, parce qu'il y a plein de disciplines au roller. Oui. Je vais te poser la question pour chaque discipline. Comment tu t'y intéresses, si tu t'y intéresses, Oui. si tu as une pratique sur ces disciplines. Et ensuite, j'ai une petite question de vérification pour chacune des disciplines ou presque, Ouais. pour savoir si tu me racontes pas n'importe quoi, si jamais tu me dis que tu t'y intéresses. D'accord, je t'écoute. Après, peut-être que si tu t'y intéresses pas, tu peux aussi avoir la réponse. Oui, alors Ouais. bah, vas-y. Alors, la première discipline, c'est la randonnée. Oui. Donc, est-ce que tu t'intéresses à la randonnée et est-ce que tu la pratiques? Alors, je la pratique, oui, Ouais. je m'y intéresse un petit peu, mais Ouais. sans plus. Ouais. Et donc, la question de vérification, as-tu déjà participé à des randos vertes? Et si oui, lesquelles? Eh ben non, jamais. Ah, c'est bien, t'es pas tombé dans le panneau parce que j'avais peur que tu confondes rando verte et voie verte. D'accord, ben non, rando verte, non, jamais. D'accord. Donc les voies vertes, c'est les voies accessibles aux rollers, à tous les moyens de déplacement quasiment, sauf le moyen motorisé, ouais. Voilà, sans oui, Oui, et il y a c'est même des chevaux ouais. qui peuvent se promener dessus, Ouais, et c'est souvent des anciennes voies de chemin de fer. ouais. Et les randos vertes, du coup, c'est des randonnées organisées par la fédération de rollers et qui sont des randonnées et qui peuvent être ailleurs que sur des voies vertes. Elles peuvent être aussi sur des voies vertes, comme la rando verte, la Galop Roller. Et voilà. Maintenant, on passe au roller dance. Est-ce que tu t'y intéresses? Est-ce que tu as déjà pratiqué? Alors, je ne m'y intéresse pas. J'ai pratiqué une fois, quoi. Une Enfin, fois, une fois c'est-à-dire? avec mes rollers en ligne. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé? Il Raconte. s'était passé. C'était un roller disco, en fait. Il y avait un événement roller disco sur l'île. Enfin, oui, aux machines de l'île, là. Ouais, donc à Nantes, ouais. À Nantes, oui. Donc j'y suis allé et là j'avais fait une sortie OVS aussi, je crois qu'on était 3-4 à y être allé d'OVS. Ouais. Et j'ai rencontré une fille que j'avais déjà vue en rando-roller, que j'avais déjà cru apercevoir, donc c'était Karine au final, Ah oui, Karine, que tu connais mieux maintenant, que maintenant je connais un peu mieux, et ouais. qui elle fait du roller disco. Du roller dance, non? Comment on dit? Je Du sais même roller plus. Du dance. roller dance, ouais. Et elle m'avait montré 2-3 pas de roller comme ça, de roller dance comme ça. Et bah une fois, c'est sympa à faire, mais j'en ferai pas plus, quoi. Non plus, Ouais, enfin, je prends pas de plaisir à faire du non. roller dance, j'ai l'impression que c'est trop du sur place parfois. Ben c'est du sur place, et l'avantage du roller, c'est la sensation de glisse. Donc là, la sensation de. Enfin, moi, je l'ai pas, en fait. Et puis, ça ressemble trop à de la danse. Il faut compter dans sa tête, et faut avoir. En fait, tant que t'as pas un bon niveau, tu prends pas plaisir, à mon avis. Ouais. Et donc, je n'ai pas du tout envie de m'embêter à m'entraîner là-dedans pour prendre plaisir. D'accord. Et du coup, je te pose quand même la question de vérification, sait-on jamais. Oui. Est-ce que tu peux compléter cette affirmation? Skate love. Et il faut compléter. Je ne peux pas la compléter. D'accord. C'est quoi? Donc c'est Skate Love Barcelona. D'accord. Et c'est un événement qui a lieu à Barcelone et qui est très connu par ceux qui aiment le roller dance et qui pratiquent. En gros, c'est l'endroit où aller. Pour ceux qui font de la compétition de l'endurance, faut faire les 24 heures du Mans. Oui. Pour ceux qui font du roller dance, faut aller à Barcelone, quoi. D'accord. Elle va très bien. Alors la course, est-ce que tu as déjà pratiqué? Est-ce que tu t'y intéresses? Je n'ai jamais pratiqué et je crois que j'ai regardé une vidéo sur YouTube et c'est très impressionnant. Ouais. Mais alors, il y a la course, il y a la course où ils tournent sur un ovale, Sur un anneau, sur ouais. un anneau, et il y a des courses où c'est un circuit. Et Ouais. ça peut être à l'australienne, ça. Faut pas être le dernier à chaque tour. Oui. C'est ouais, j'ai vu, ouais. J'ai vu Ouais, un peu les deux, mais très peu, ouais. ouais. Après, c'est vrai que ouais, la course, c'est pas le truc qui m'attire le plus parce que Ouais. bah, t'arrêtes pas de tourner en rond et j'ai du mal à y trouver un intérêt. Il y en a certainement qui trouvent un intérêt puisqu'ils le font et ça leur plaît. Ouais. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Ben, moi, après, j'ai un esprit. Enfin, quand j'étais enfant, j'adorais tout ce qui était athlétisme. Enfin, j'adorais. J'aimais bien regarder les compétitions d'athlétisme. Et c'est une course, donc c'est super stratégique. En fait, il faut se placer dans le peloton. Il faut réussir à s'échapper au bon moment. Ouais. Il faut pas rester derrière. Enfin, c'est dur de remonter. Il faut réussir à doubler. Il faut savoir négocier son virage. Il y a plein de. C'est très stratégique en fait. C'est même pas que. Il faut avoir à la fois les cuisses et le cœur pour tenir. Et en même temps, il y a plein de courses différentes. Il y en Oui. a où ils vont à 2 à l'heure et tout. Enfin, l'intérêt, c'est d'arriver le premier. C'est pas d'arriver le plus vite. C'est d'arriver le premier. Il y a des courses suivant à 2 à l'heure. Je crois que. Non, il n'y a pas des courses comme ça où ils se. Non, c'est en vélo. Il y a des courses à vélo où ils se regardent en fait. Parce que l'avantage est. Enfin, il faut rester. L'objectif étant de ne pas être premier, parce que si t'es premier, bah t'as tout le vent, tu peux pas prendre l'aspiration. Ah Donc c'est oui. pour ça, il y a des courses de vélo où ils avancent pas, ils veulent pas prendre. Aucun des deux vélos ne veut être devant en fait. Donc ils se Ouais. regardent et ils avancent pas. Ah ouais, mais c'est pas comme au roller. Ah, je sais pas, le roller, je pensais que c'était à peu près pareil, mais pas forcément. Du coup, je pense que tu dois pouvoir me donner quelques réponses sur la question de vérification. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est le 10 000 mètres à élimination? Bah, je suppose que c'est ce que je t'ai dit là, la course à l'australienne, il doit faire un circuit de je ne sais pas combien de centaines de mètres, enfin hectomètres, et à chaque tour de circuit, ils éliminent les derniers, le ou les derniers. Ouais. C'est ça? Oui, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Après, je t'ai posé des questions de vérification, mais je t'avoue que moi non plus, j'ai pas les D'accord. réponses complètes. Je saurais pas te donner toutes les règles du 10 000 mètres Et élimination. bah, tu revois ta copie Ouais. et on refait l'interview du début jusqu'à la fin. Mais il y a aussi, je sais que ça se fait par équipe aussi et que les résultats de l'équipe comptent. Enfin, c'est pas forcément de l'individuel, quoi. Et donc, il faut pas forcément être. Enfin, si tu es premier tout seul de ton équipe, c'est pas forcément un bon point, quoi. D'accord, ok. Enfin, c'est mieux d'être premier, mais avec le Mais reste de l'équipe, quoi. d'accord, ok. Tu connais le skatepark, l'agressif, ce genre de Oui, choses? bon, quand j'étais jeune, j'en faisais, oui. Ouais. Donc, du coup, bah, je suppose que tu as déjà pratiqué, du coup. Oui, mais ça fait Est-ce que longtemps, tu mais t'y bon. intéresses toujours Alors, je ne m'y intéresse plus du tout. Ok. Est-ce que tu sais, du coup, question de vérification, ce que c'est un run? Oui, un run, Et qu'est-ce qu'on c'est. attend dans un run? Du coup, tu vas pouvoir m'expliquer parce que moi, je suis pas sûre de tout savoir. Un run, en fait, bah, c'est. Au patinage artistique, tu fais un programme. Ouais. Voilà, donc tu as une musique, tout ça. Et ben, Ouais. en agressif, tu fais un run. Donc c'est soit sur le skatepark, soit sur la rampe. Ouais. Et donc ça dure de mémoire dans les 30 secondes. Et donc pendant ton run, bah, tu fais ton programme, entre guillemets, et tu vas faire tes figures. Donc tu peux Voilà. l'avoir prévu à l'avance en fait Ah, le run. tu le prévois à Ouais, l'avance, oui. c'est. Mais après, tu vas gagner plus ou moins de points suivant ce qu'ont fait les participants précédents. Ouais. Donc tu peux te dire, bah, celui-là, je vais tenter une figure un peu plus compliquée. Si je veux gagner, il faut que je fasse un truc un Ouais, peu d'accord. différent de ce que j'ai prévu. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui y vont à l'instinct. Hein. Ou en tout cas, de mon temps, hein, donc de mon temps, c'est-à-dire il y a 20 ans, il y avait beaucoup d'instinct. Maintenant, je ne sais pas du tout ce que commencer. D'accord. Et sinon, un run, bah, c'est quand tu es au skatepark, en fait, quand tu es sur la rampe, Ouais. bah, tu as tout le monde qui attend sur la rampe et tu en as un qui fait son run. Et puis, une fois qu'il a fini son run, bah, c'est quelqu'un d'autre, on se regarde tous, ah, qui y va? Allez, bon, allez, j'y vais. Et je fais mon run, et puis voilà. Puis après, on dit, t'as D'accord. fini? Oui, j'ai fini, tu peux y aller. Mais t'as fait qu'un aller-retour? Oui, mais j'ai quand même fini! Voilà. Alors maintenant le hockey. Est-ce que tu as déjà fait du hockey? Est-ce que tu t'y Alors, intéresses? bah moi j'ai fait du hockey sur glace, j'ai fait un an de hockey Ouais. sur glace. Et j'adore regarder les matchs de hockey, mais Ouais. je ne m'intéresse pas plus que ça au hockey. Et D'accord. alors, sur le rink hockey ou le hockey sur patin, je Ouais, c'était la connais rien question que du j'allais tout. te poser. Du coup, Non. tu connais la différence entre le rink hockey et le roller hockey? Enfin, les différences Bah, c'est, plutôt. ça doit être les patins déjà. Il y en a, ils sont en quad, les autres ils sont en ligne. Ouais. Et je sais pas. J'avoue qu'il y a peut-être la crosse qui est différente. Ouais, la crosse doit être différente parce que en hockey, en ligne, ils ont un palet. Ouais. Alors qu'au rink hockey, c'est une balle. Ouais. Et après, sur le terrain, je sais plus combien ils sont de patineurs. Il y a peut-être une différence sur la composition des équipes. D'accord. Peut-être même qu'il y a une équipe ou peut-être au rink hockey, s'il faut. Non, je sais pas s'il y a un gardien ou pas. Ouais. Enfin bon, j'en sais rien. J'avoue que j'y connais rien non plus. D'accord. Le derby, tu t'y intéresses? Pas plus que ça, j'en ai déjà vu une fois, mais c'est tout. Enfin, un Ouais. entraînement, quoi. Et un match. Ah oui, quand même. Ou ouais, enfin, un milieu de match, quoi. Ouais. Alors, t'avais compris les règles? Non. Mais grosso modo, oui, c'est la personne qui a un bonnet avec une étoile doit faire le maximum de tours et les autres doivent empêcher la dite jameuse de faire des tours. Enfin, voilà, ouais. C'est un peu compliqué. Est-ce que tu sais ce que c'est un jam? Bah là, le jam, justement, c'est celui qui a l'étoile, c'est bien ça? Alors ça c'est le jammer ou la Ça, c'est le jammeuse. jammer ou la jammeuse. Et un jam, donc c'est un tour, je suppose? Non? Non, un jam c'est enfin, un moment de 2 minutes pendant lesquelles la Ah, jammeuse va tenter de marquer le maximum de d'accord. points. Ok, c'est un round, quoi. Voilà, c'est un Ou round. une Ouais. mi-temps. Voilà. Ok. Le slalom. Oui. T'en as déjà fait? Juste pour m'amuser. Ouais. Mais, enfin, jamais vraiment. Non, non, j'ai jamais fait avec des vrais plots, tout ça. C'est affreux, il faut être vachement mobile avec ces rollers. C'est pas trop pour moi. Et j'arrive pas à croiser mes jambes facilement. J'arrive mieux dans un sens que dans l'autre. Ouais. Ouais. Et moi, je trouve c'est. Je me sens trop l'étroit sur le slalom. Déjà, le roller dance, j'ai du mal, je me sens sur place. Mais le slalom, j'ai l'impression que c'est encore un peu la même chose, Ouais. que tu fais beaucoup de sur place. Et Oui, ça me plaît pas moi beaucoup. c'est pareil, Puis, ouais. tu es contraint par les plots, il faut bien passer entre les plots. Après, il y Ouais. en a qui font des trucs Ah, par magnifiques. contre, ouais, quand on voit les vidéos, Ouais. c'est impressionnant, c'est magnifique. Et eux, ils arrivent à pousser en étant que sur une jambe et tu dis, mais ça marche, quoi. Enfin, c'est fluide, c'est d'une fluidité, c'est magnifique, mais moi, je n'ai pas cette fluidité. Et est-ce que tu sais ce que c'est le classique? Pas du tout. Ah, le classique. C'est un sorte de programme, comme pour l'artistique, une chorégraphie Oui. sur les rollers, autour des plots de slalom. Et là, c'est vraiment ce que j'adore quand je regarde du slalom. Franchement, le slalom, je préfère le regarder que de le faire, c'est sûr. Et il y a une patineuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sofia Bogdanova. Oui. Et qui fait du slalom classique et je suis trop fan de ce qu'elle fait. Ouais. En plus, ce que je préfère peut-être, c'est parce qu'elle fait attention à sa tenue vestimentaire et elle s'habille un peu d'une certaine façon, un peu comme en patinage artistique. Alors que des fois, tu vois des slalomeurs qui sont un peu moins bien habillés, qui font pas forcément attention à leur tenue. Et puis j'aime beaucoup regarder, c'est un vrai plaisir à regarder. Ouais. La descente, est-ce que tu t'y intéresses? Non, pas du tout. Ouais. J'avais pas de question de vérification parce que moi non plus. Ok, bon, La descente, ça j'y connais c'est non, c'est absolument super rien. impressionnant. Ils ont des équipements, ils font des arrêts, des power slides là, comme on dit, ou je sais pas quoi, pour s'arrêter. C'est magnifique, mais Ouais. ouais. Ouais, je descends à la même vitesse que. Non, peut-être pas, Non, je mais. crois pas, Ouais. non. Mais ouais, dans la montagne, je suis pas sûre de descendre très Non, moi non rapidement. plus. Faut freiner tous les 2 Hein. mètres. L'artistique. Est-ce que tu connais? Alors, je connais parce que tu connais et tu Ouais. pratiques, toi. Ouais. Mais moi, je ne pratique pas. Hein. J'essaie Ouais. désespérément de maîtriser le 3 parce que ça m'intéresse, Ouais. mais je n'y arrive pas. Donc, le 3, pour information, c'est arriver à passer du patinage avant au patinage arrière en faisant une rotation sur la roue avant de son roller, gauche-droit, sans aiguillon ou sens inverse, peu importe. C'est ça le 3. Et donc, ça, mais ça marche aussi de l'arrière à l'avant sur la roue, sur sa roue arrière. Et ça, je ne maîtrise pas du tout, mais enfin, je ne maîtrise pas assez à mon goût. Mais D'accord. voilà. Donc il y a aussi l'artistique en ligne et l'artistique sur patin roulette. Oui. Donc moi je fais de l'artistique en ligne qui est moins Ouais. connue. Et on peut faire les mêmes figures sur patin roulette ou en ligne. Est-ce que tu sais ce que c'est une séquence chorégraphique en artistique? Non, mais tu vas me le dire. Alors moi je fais du en ligne, du Oui. inline. Donc pour moi la séquence chorégraphique c'est... C'est des attitudes, c'est-à-dire arabesques, enfin, quand on lève la jambe à l'heure, en gros, quoi, avec des fenêtres, on attrape le pied, etc. Donc on a plusieurs attitudes comme ça dans la séquence, et avec des éléments de transition, donc c'est-à-dire des pas souvent. Donc moi, quand je fais des compétitions, par exemple, je dois avoir au moins deux attitudes d'une certaine longueur, enfin, sur une certaine distance, ou sur un certain temps. Et avec des pas de transition. Après, en patin à roulettes, je connais pas trop les règlements. Je crois qu'il y a d'autres attendus. Enfin, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais c'est à peu près ça, quoi. D'accord. Est-ce que tu connais des disciplines hybrides? As-tu Okay. déjà pratiqué? C'est quoi les disciplines hybrides? Ah. Le roller soccer, par exemple? Ah d'accord, non, je ne Et tu sais qu'ils connaisse. font du basket roller à Tours? Ah, je ne savais pas. Ouais, il y a un club de basket roller maintenant à Tours. D'accord. Ouais, bah c'est comme le. J'allais dire le hockey. Ça se fait aussi à pied, le hockey sur gazon. Ouais, c'est une discipline à part entière, là. Mais Ouais, en ok. même temps, c'est aussi des disciplines à part entière, les pratiques hybrides. Et bah ouais. Ouais. Et donc, bon, tu connaissais pas, donc tu pouvais pas me citer Ah non, là les je peux pas pratiques. te citer, non. Ah, le plus connu, c'est le roller soccer. Soccer, d'accord, ok. Est-ce que tu connais le skate cross? T'as déjà pratiqué peut-être? Alors le skate cross, c'est les petites courses là à 4 personnes où ils ont des obstacles là. Non, j'ai Ouais. jamais pratiqué. Ouais, ok. Mais ça doit Bon. être sympa à faire. Et t'as déjà répondu à ma question de vérification. Moi, je t'ai pas posé une question très difficile parce que je connais Ouais. pas grand-chose non plus. Je t'ai demandé combien il y a de concurrents sur la ligne de départ. Ah ben je l'ai vu, en fait je l'ai. C'est un coup de chance que j'étais sur le site Roller en ligne juste avant l'interview. Ouais. Et il y avait l'interview de la championne du monde de skatecross. Et dans la première question, enfin la première réponse de la première question, je crois qu'il y a un mec qui sont 4 en ligne, donc vraiment coup de chance quoi. En fait, t'as bachoté avant l'interview, t'as Non, triché, j'ai. quoi. Ah non, c'est vraiment un coup de chance. Ouais. Éventuellement, d'autres disciplines à rajouter, il y en a tellement. Ah bah le tac-tac, donc c'est la descente d'escalier qu'on a Ouais. vu, c'est magnifique. Le tremplin, enfin qui peut Oui, c'est... s'apparenter Ouais. à l'agressif. Ouais, c'est de l'agressif. Non, je vois pas d'autres trucs, non. Je crois que tu avais déjà répondu un peu à cette question. Oui. Comment tu penses que les autres perçoivent le roller? Ah non, t'as pas vraiment répondu à la Non. question. Je pense que pour tout le monde, le roller, c'est un truc qui est pas vraiment à la mode, comme le skate. En fait, je pense que roller skate, c'est la même chose pour tout le monde, enfin à peu près. Ouais, C'est un truc, sauf pour ceux qui pratiquent, quoi. oui peut-être, ouais. C'est à la marge. Enfin, c'est un. On n'est ni bien vu ni mal vu. Je pense qu'il n'y a pas de. Voilà, on passe inaperçu. Ah ouais, des fois, quand on croise des gens en randonnée, des fois, il y a des... Souvent, c'est les vieilles dames, on va dire, qui te regardent d'un air, ouh là là, celui-là, il est casse-cou. Alors qu'on est juste en train de rouler. Oui, ouais, il y en a beaucoup qui nous applaudissent aux randonnées. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est toujours sympa. Mais non, non, je n'ai pas vraiment l'impression que. Ouais. Non. Est-ce que tu prends tes rollers en vacances? Bon, ça dépend des vacances, mais c'est rare. Mais si je peux faire du roller en vacances, Si bah, tu sais pourquoi que pas, tu vas quoi. pouvoir en faire, Si tu je sais que je ne prends, veux ouais. pas être tout seul, enfin que je vais avoir une bonne occasion, oui. Et que j'aurai pas l'occasion de faire mieux que du roller. Ouais. C'est plutôt que de m'ennuyer, je vais prendre des rollers, ouais. À quelle fréquence tu penses au roller? Quelle Est-ce que tu fréquence? manges du roller? Non, Est-ce que tu non, dors du roller? non, non, j'aime bien le roller. Bah, j'y pense, en fait, j'y pense quand il fait beau, quoi. C'est Ah oui. surtout ça. Donc Donc là. l'hiver, tu oublies complètement que ça existe, Alors. Oui, non, c'est quasiment ça. En plus, c'est quasiment ça. Par contre, quand je préparais mes entraînements, bah là, avant de faire le premier entraînement, mais j'y pensais, mais tous les jours, qu'est-ce que je vais faire dans mes entraînements? Et ça se trottait dans ma tête. C'était le truc là. Mais non, bah maintenant, j'y pense. Bah, toi, tu y penses souvent, donc avec toi, j'y pense très souvent. Mais enfin, Ouais. moi, de moi-même, j'irai pas. Voilà, je pense très rare. Enfin. Je pense pas roller quoi à longueur de Ouais. journée. Comment tu vis le confinement maintenant? Parce qu'on est en période de confinement pour ta pratique du roller. Bah moi ça se passe bien de toute façon le roller comme je te disais là c'est plus le moment où je fais beaucoup de roller Ouais. donc bah ça me manquait un petit peu pendant le premier confinement où c'était vrai qu'on pouvait pas en faire Et qui faisait beau et quand qui même, faisait ouais. beau et je fais ouais mince d'ailleurs c'est une des premières activités que j'ai fait c'était du roller Ouais. mais là c'est le deuxième confinement déjà on peut en faire et puis même si mais bon si on arrive sur les mauvais jours donc ça me choque pas plus que ça moi je le vis très bien de ne pas pouvoir faire de roller je suis pas j'aime bien mais je suis pas j'ai eu ma dose pour l'année donc ça va. D'accord. Ouais. Et donc du coup, tu te fais quand même quelques sorties roller pendant ce confinement-là. Bah oui, donc là on est au deuxième confinement. On ne Ouais. sait pas si on aura un troisième On ou un quatrième ou autre. ne sait pas combien de temps il va durer non On ne sait pas plus. combien de temps il va durer. Et ouais, donc on s'est déjà fait deux sorties roller, je crois. Ouais. Ouais. Notamment une où tu as cassé ta platine. J'ai pas cassé la platine. Ouais, enfin bref, ta Ouais. platine s'est à moitié fait la malle. Ouais, elle s'est détachée de C'est mon bon ça. Il y a chausson. deux fixations, il y en a une des deux qui a pété. Voilà, ouais. Et ouais, du coup, ouais. On s'est fait une petite balade à moins d'un kilomètre, du coup. Mais finalement, un kilomètre, on peut quand même faire une certaine distance, enfin, une boucle assez grande. Ben on fait des boucles de 8 km, je crois à peu près. Nous, Oui, on oui. dépasse un petit peu le kilomètre, mais il faut pas le dire. Oui, parce que dans le périmètre d'un kilomètre, en fait, on peut faire des petites boucles, etc. On n'est pas obligé de faire tout le contour d'un Bien kilomètre sûr, bah et oui, de se oui, contenter au contour. Donc, en fait, oui. y a pas mal de possibilités. Puis, on découvre vers chez nous les chemins Ouais. qui sont moins adaptés. C'est vrai que là où on Ouais. passe en rando, sur les chemins qu'on choisit bien en roller, quand il n'y a pas le confinement, quoi. Bah, et puis disons que c'est vrai que on est obligé, disons qu'en rando, bah, la voie verte, voilà, quand on part 1 km, on s'arrête, enfin on traverse la route, on repart sur 1 km, que là, bah là, c'est tous les 100, 200, 300 mètres, il faut traverser la route, c'est Ouais. plus embêtant, on peut pas aller aussi vite, on peut pas prendre autant de vitesse, donc c'est plus Oui. de la balade que de la randonnée, mais je quand même bien. Ouais. Et les autres sports? Les autres sports, Ouais, on oui. va parler des autres sports. Je t'écoute. Patinoire, ski ou roller? C'est-à-dire patinoire, ski ou roller. Moi, je Bah, vais. lequel tu choisis? Comment? Bah, je choisis. Bah, moi, la sensation, la meilleure sensation, c'est le ski, hein. Ouais. Y a pas. Alors, moi, je fais plus du snowboard que du ski, mais c'est la meilleure sensation, c'est sûr, c'est le ski. Ensuite, l'autre meilleure sensation, c'est la patinoire. Y a pas. Ah, fallait dire roller, hein. Ah non, non, non. Ouais, t'as mal répondu à la question. La moins bonne sensation, c'est le roller. Mais l'avantage du roller, c'est que c'est là où tu peux en faire le plus. Ouais. Donc, c'est. Et puis, enfin, après, la patinoire, la sensation de glisse est excellente. Ouais. Mais tourner en rond, c'est vite lourd. Donc, faut papoter, quoi, en même temps que tu fais du patin à glace. Ou alors tu fais de l'artistique. Ou tu fais de l'artistique. Mais ouais. Comme moi, c'est pas trop mon truc, l'artistique. Ouais. Donc, je préfère de ce côté-là, je préfère faire du roller que de la patinoire. Mais aller à la patinoire une fois de temps en temps, c'est sympa. Ouais. Est-ce que tu pratiques d'autres sports? Alors, moi, je fais du badminton en club. Je suis pédis, on va dire. Ça, on Pour sait ceux pas qui ce que savent, c'est. ouais, bah c'est en gros, c'est juste avant d'être classé départemental. Voilà, c'est donc j'ai un petit niveau qui me permet de bien m'amuser au badminton, de prendre beaucoup de plaisir. Et je fais quand les conditions météo sont favorables, du parapente, mais j'ai un niveau pourri parce que les conditions sont pas souvent favorables. Mais je suis autonome sur un site. En France, donc je suis content. J'ai plus besoin de payer les cours. Et sinon, j'adore le sport en général. Donc voilà. Voilà. T'as déjà fait d'autres sports auparavant? J'adore le volleyball. J'ai fait du volleyball en club aussi, à un petit niveau. Oui, voilà. Une année de hockey, 3 ans de foot, mais quand j'étais tout gamin à l'école primaire, donc, j'ai pas de reste en foot. Non, non. Moi, c'est effectivement mes sports, c'est badminton et roller, hein, grosso modo. Ok. Et donc tu vas être obligé de me répondre à cette question. Oui. Qu'est-ce que le roller a de plus ou de différent selon toi? Surtout de plus. De plus que quoi, en fait? Que les autres sports. Que les autres sports? Ouais. Qu'est-ce que le roller a de plus que les autres sports? Bah, le roller, ça pourrait s'apparenter, donc moi dans ma pratique qui est de la randonnée, Ouais. ça peut s'apparenter à de la course à pied, du footing, grosso modo. Sauf que l'avantage du roller, c'est que on roule, pour ne pas dire qu'on glisse, Ouais. et que c'est une sensation, mais qui est super agréable quand on sait en faire. Et c'est ce que je dis, c'est vraiment se sentir glisser, c'est vraiment voilà. Moi, j'aime pas courir en fait. Ça m'arrive de faire des footings, mais c'est pas une sensation que j'aime bien. Ouais. J'aime bien au début, à la fin, parce que ça dégage des endorphines, comme tous les sports. Mais je prends beaucoup plus de plaisir à faire du roller. Donc le plus, c'est la sensation de glisser, la liberté de. Alors. La liberté d'en faire en ville, mais c'est vrai qu'il faut le terrain adéquat, quoi. Il y a beaucoup Ouais. de gratons, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas aller, donc c'est pas vraiment une liberté en fait non plus. Mais enfin, la liberté de ne pas avoir besoin d'infrastructures trop, bah, comme la patinoire où Oui. il faut une patinoire et du ski où il faut des montagnes enneigées. Donc c'est pas tous les jours qu'on fait du ski. Oui. As-tu une anecdote que tu aurais envie de partager, complètement autre, dont on n'aurait pas parlé, ou je sais pas? Non, mais j'avais pensé à une, mais en fait c'est bon, j'en ai déjà assez raconté comment ça s'appelle, sur les randonnées à vélo, donc à roller et à vélo, donc non, j'ai Ah, tu pas piques la de. curiosité là. Non, non, on va passer à Ok. la question suivante. As-tu autre chose à ajouter? Bah non, Je suis pas du tout insistante. je pense que j'ai tout Ok. dit là. Ouais. Et du coup, pour finir, est-ce que tu as des bons plans roller à partager? Des bons plans roller, bah alors, les bons plans roller pour moi, c'est si vous voulez vous remettre au roller, bah, acheter des rollers sur le bon coin, c'est un bon plan. C'est Ouais. souvent, c'est des gens, ils achètent des rollers, ils en font jamais, donc c'est du neuf au prix de l'occasion. Ouais. Les bons plans, si vous faites de la randonnée, achetez un chasuble avec un camelback, ça franchement ça change la vie. Quand tu dis chasuble, c'est le sac qui contient le camelback, du coup, c'est C'est ça? ça, c'est Ouais. en fait c'est le gilet, on va dire, qui contient le camelback. Mais c'est vrai que tu dois avoir un petit gilet avec des poches pour pouvoir tout ranger et que ce soit le haut du corps qui porte ça. Et pas dans les poches du pantalon ou du short, ça se trimballe pas, c'est plus haut à porter. ça colle ça peut mieux coller au corps. Donc non, pour moi le chasuble c'est vraiment ça se prête ou le gilet ou enfin je sais pas comment on appelle Ce tout que tu ça. trouves en rayon running, c'est ça, Oui, pour le trail et choses comme c'est ça. ça, c'est plus pour les gens qui font du trail là, qui ont ça. Bon, moi j'achète sur sur internet. Voilà, chacun son. Moi ça vient de Chine, mes trucs, je fais pas. C'est pas bien, mais c'est ça coûte moins cher et ça me convient. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Voilà, sinon un bon plan roller. Bon, il y a les roller dance. Essayer un roller dance une fois de temps en temps. Les rollers disco, Les c'est roller disco. Bah, les. les Non, les. soirées organisées par des... Non! Non, Non? les roller dance, Ah, comme à Clermont oui, l'Hérault, le plus d'accord, connu, c'est celui les de structures des où tu peux structures, ouais. patiner, comme dans une patinoire, en fait, sur glace. C'est ça, Ouais. exactement. Mais sauf que c'est sur roller. Ouais. Donc voilà. Et non, les bons plans, franchement, ce sont les voies vertes. Ça, tout le monde en a à côté de chez soi. Et aller faire du patin sur du roller sur les voies vertes, c'est vraiment le bon plan. Je pense que c'est ça le truc à partager. C'est la plus grande randonnée qu'on ait, nous, hein. C'est celle-là, hein. C'est celle de Carquefou, hein. 40 km aller, 40 km retour. Carquefou, ça m'a rien à jaillir, elle est très bien celle-là, elle est magnifique. Voilà. Quand comptes-tu arrêter le roller? Je n'ai pas de date d'arrêt de roller. Je n'ai. Non, honnêtement, bah pour le moment ça me plaît. J'adore toujours cette sensation. J'ai pas prévu d'arrêter, je me suis pas dit le jour où bah, tu arrêteras le roller. Donc moi tant que je peux en faire, j'en fais. Jamais, quoi. Voilà, j'ai pas de. Quand mon médecin me dira que c'est plus bon pour moi, mais je pense pas qu'il me le dise de sitôt. Donc voilà, non, je pense toujours un petit bout de temps, ça gardera un. Une place dans mon emploi du temps encore très longtemps. C'est vrai que je m'y suis remis donc il y a 4-5 ans, mais déjà même pendant que j'avais arrêté là entre mon adolescence et tout ça et le fait que je reprenne, j'adorais toujours aller à la patinoire de temps en temps. Donc je pense que ça va rester comme ça. J'ai toujours une place dans ma vie, le roller. D'accord. Merci. Et ben merci à toi. On s'arrête là? On s'arrête là, puis bah, la prochaine fois c'est moi qui vais t'interviewer. On verra ce que tu auras à dire.